IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, ah, bonjour, bonsoir, ah, et bienvenue. On me reproche, soi-disant, je fais pas assez les oui, alors que c'est toi qui les fais. C'est un inside, ça. C'est quelqu'un qui nous a dit ça à Lille. C'est un incel. C'est, oui, aussi peut-être. C'est une incel. C'est une incel. Pour moi. C'est une incel Lohan en plus. Oh, je suis pas si mal. Elle est très, très bien. J'ai même pas dit bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast, Adrien. J'ai tout de suite. J'ai voulu présenter les invités. Parce qu'il y a pas le temps. Mais je vais plus vite que la musique ou quoi? Ça tombe bien, car. Pas mal, malheureusement je commence par l'autre, mais bien joué. Tu pouvais notre premier invité, le mec. Ah non. Non, c'est marqué en plein. Ah mais mec, à un moment le conducteur, on peut pas le bouger comme ça. Est-ce que tu vas bien déjà? Ah oui. Il faut le dire aux auditeurs, on enregistre à un horaire assez particulier qui est pas le préféré d'Adrien, puisqu'on enregistre l'heure du repas. Il est midi 15 à l'heure où on enregistre. On aura fini autour de 13h30 enfin voilà. Donc il ne peut pas vraiment manger et ça le titille, ça l'agace. Bah, je suis en train de manger, n'attends pas de répondre. Idiot, va. Oh, il m'a dit idiot. J'ai entendu. Notre première invitée est comédienne et autrice et elle s'exerce à un nouvel art sur les planches, le stand-up. C'est une femme qui fait de l'humour, c'est donc automatiquement la nouvelle Blanche Gardin. Désolé, c'est pas moi qui fais les règles. Elle joue également dans la web-série sur Le Réseau, sur la chaîne de Sympa Cool, et ça tombe bien car elle est les deux. Si la nouvelle scène stand-up était une galette, elle serait la reine car elle a la fièvre un peu. Ah, c'est Camille Fièvez. Ouais, merci beaucoup, c'est magnifique, bravo. Hein. Alors écoute, j'ai bossé. Notre seconde invité, c'est un peu notre OG, j'ai envie de dire, artiste musical et graphique. Son nom est à particule et son humour si particulier. Alors, elle vient de sortir un roman graphique intitulé Minuscule Folle Sauvage, hashtag MFS sur les réseaux sociaux. MFS qui sont aussi les initiales de Microsoft Flight Simulator, et c'est logique vu qu'elle nous fait planer. C'est Pauline de Tarragon Pyjama, mesdames bravo. Et messieurs. Bravo. C'est ma meilleure intro depuis que je suis venue ici. Ah ouais? Ouais, je trouve. Ah, c'est gentil. Bah, tu vois, comme quoi il n'y a pas de règle, je l'ai écrit assez rapidement. Dans le taxi. Non, tu sais que j'ai pris. Alors, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. Petit luxe de riche que j'ai testé. À taxi moto. Ouais. On me l'a commandé parce que, effectivement, en ce moment, les horaires sont serrés, disons. Mm-hmm. Et j'ai pris un taxi moto. Et ben, j'ai bien aimé. Ouais. Tu l'as pas payé toi-même? Non, il était payé par Apollo. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est très cher. Par contre, pour aller Gare de Lyon, un petit métro là, par contre. Ouais. Et c'est taxi, toi qui payes les tickets, Adrien. Ouais. Mais non, je t'invite. Je te paye ton RER. Ah bah trop sympa. Avec merci. Grand plaisir, wow, Adrien. Trop cool. Tu me payes aussi le déo. Oh. Je vais suer comme un porc vu que je suis chargé comme une mule. Mais c'est vrai que t'es une mule. Toi, t'es pas un voyageur léger, toi. Non. Il a pas mais envie de développer. Hyper organisé par contre. Ah, tu m'as montré une fois l'intérieur de ton sac qui était genre, c'était Tetris quoi. Ouais, c'est alors incroyable. Là c'est plus trop, j'ai arrêté ça. Parce qu'avant j'avais les packing cubes. J'ai arrêté d'être organisé. J'ai arrêté ces conneries. J'ai arrêté ça parce que c'était un peu too much. Ouais, mais c'était par bon. Contre, ça impressionnait les gens. J'ai acheté un truc quand je suis allé au festival de Jérémy, c'est les. C'était un peu un fantasme que j'avais. Et ça va donner un aperçu de la folie qui m'habite. les sacs où on aspire et ça compresse oui. Là. Ah oui. Oh, trop bien. T'avais acheté ça en j'ai trop envie. J'ai pris ça parce qu'en fait, j'avais, comme c'était à la montagne et que j'avais genre des polaires, les polaires ça prend énormément de place parce que c'est. Et en fait, c'est tu bien les. Connu, t'aspires. C'est ce qu'on dit d'elle en tout cas. Et donc je les avais aspirés, ça prenait aucune place. Ah, mais t'es trop malin toi, c'était génial. À faire ça. Okay. Mais ça, c'est effectivement un petit fantasme que j'ai aussi. J'ai un petit peu envie d'utiliser ce truc là. Ça et le bicel, la champouineuse qui aspire la crasse là. Ah oui, j'en ai parlé il y a genre 30 minutes et je me suis dit qui a ça et c'est toi. Bah évidemment. Moi je l'ai loué. Ah ouais, moi je l'ai acheté. Camille, la scène ça se passe bien en ce moment? Tu as joué hier, j'ai vu. Ouais. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Il y avait très peu de monde. Ah ouais. Ça arrive parfois. Ouais. C'est bon signe en général. Oui. Il n'a jamais vu de stand-up. Et c'était méga dur et c'était la première fois qu'il y avait un mec. Désagréable dans le public qui fait des commentaires à voix haute comme dans les films quoi. Ah ouais. Ouais, et il a dit il y avait la fille qui hostait le truc, elle faisait la chauffe. Ouais. Donc c'est le moment au début où on pose des questions au public, on les fait taper dans leurs mains et tout pour qu'ils soient dans l'ambiance et tout. Et il y a un mec qui a fait excuse-moi, ça commence quand les blagues en fait? Non. Putain, mais quel connard. C'était où? J'aime un peu. C'est horrible, mais j'aime un peu. C'est le film Yannick, par contre. Ouais. Non, grave. Il y a que dans la fiction qu'on voit ça, quoi. Moi, je pense qu'un mec comme ça, tout le monde peut lui dire de partir, en vrai. Mais surtout, il a un gun. Dans les comedy clubs, genre américains et tout, il y a vraiment des agents de sécurité qui sont là pour virer les gens. Bon, en France, pas encore, mais. Mais parce qu'en plus, il met une salve. Enfin, t'as pas envie de rire, même dans le public. En plus, c'était un public où il y avait que des bandes de copines. Enfin, quelques bandes de copines, il y avait vraiment 10 personnes et ce gars quoi. Et il a vraiment mis une ambiance de merde où les meufs osaient plus rire, donc en fait c'était atroce. Voilà. Et c'était Franck Dubosc en plus. J'allais dire c'était Raphaël Quenard, justement. Le jeu du Floodcast, vous connaissez ça. Vous n'êtes pas à votre premier rodéo. Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais. Avant de commencer, dis-moi. Je veux dire un truc. J'ai fait une story pour dire si vous vous demandiez ce que c'était le wouhou dans le générique, et j'ai filmé Francky en train de le faire parce que c'est Francky. Bien sûr. J'ai reçu énormément de messages qui m'ont dit je pensais que c'était Florent. Ah ouais? Les gens pensaient Florent, ce chien, ils ont dit. C'est ça le chien de Florent. Mais pourquoi j'aurais fait le chien? Bah, genre, pour faire rire ma fille. Ta fille dit Floodcast et tu fais wouhou, genre, c'est t'es content. Aussi non, c'est un chien. Ah ouais, wouhou. Toi, tu vas avoir un concert. Non, c'est vraiment, c'est ma chaîne. Non, on a mis nos deux enfants, entre guillemets, voilà. On s'est dit qu'on mettait notre descendance. Pas moi qui le dis, oui. Mais c'est pour ça. Ah non, il croyait que c'était moi. Il croyait que c'était toi. Beaucoup de gens m'ont dit ça. C'est dingue. Je suis pas un mec qui fait wouhou en plus. Non, pas du tout. T'es pas un woo boy. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, salut à tous les woo boys et les woo girls qui nous écoutent quand même. Et le groupe The Who's. Ouais. Et le Dr. Who's aussi, du coup. Oui, bien sûr. Moi, j'allais dire autre chose. Ah, je crois que t'avais Dr. Who qui était vraiment. Ça marchait mieux. Non, parce que t'es plus doué que moi, donc je te laisse le dire. Je te laisse le dire, plus drôle, Adrien, le plus drôle que Pauline. Oh là là. Adrien plus drôle, d'ailleurs, c'est ton spectacle. C'est mon nom de youtubeur, Adrien plus drôle. Donc le podcast, tu as raison, Pauline, de faire l'ingénu comme ça, pour les des nouveaux arrivants. J'ai jamais fait ça. À ce moment-là, j'ai fait l'ingénu. Je parlais pas en règle générale, sinon je suis. Je fais de la BD, Adrien, maintenant. De la BD et de la pop sucrée. Alors attention, le jeu du podcast, c'est quoi? C'est je pose des questions sur l'actualité, un peu insolite, et voilà, vous pouvez poser des questions pour trouver la réponse. Le premier est très facile, ça a fait le cœur de l'actu, mais j'avais envie d'en parler. Les journalistes de Marianne ont fouillé leurs archives télé. Bien et sûr. Avez-vous qui a participé à tout le monde de prendre sa place en 2019? Ah non, Pauline ne l'a pas. Mais je suis pas dans le coup ou quoi? Elle est plus. J'imagine t'es plus sur Insta, c'est ça? Si, en plus arrête, tu m'as envoyé. Mais non, mais tu fais des posts. Tout n'est pas une agression. Tu vas te calmer direct. Non, mais tu as dit. Là, c'en est une. Tu faisais référence à la première fois où tu m'as invité au Floodcast et que j'avais supprimé Insta et du coup je t'ai plus répondu. Voilà. C'était ça. Donc c'était un peu un reproche. Pas du tout, pas du tout. Ok, on annule, on fait la paix. Pour moi, t'es minuscule folle sauvage. Vous pouvez prendre un petit briquet et fumer le calumet. Mais du coup, vous êtes tous au courant sauf moi. Je sais mais pas. Mais toi, t'es trop en train de faire de la promo, t'as pas le temps de regarder. Je suis en train de lire vachement en fait. Là, je suis en train de lire un bouquin. Mais là, tu lis pendant qu'elle parle, elle lit là. Non, mais alors qui a participé à. Tout le monde va prendre sa place en 2019. Quelqu'un, c'est une un star. Peu. Enfin, non, une vedette. Célèbre. Mais là, elle va chercher. Non, c'est pas un artiste. C'est genre une personne, on s'y attend pas du tout. Mais déjà, tout le monde veut prendre sa place, c'est pas qui veut oublier les paroles. Non, alors déjà, ça peut donner un indice. C'est pas qui veut oublier. Non, mais il y a les 12 coups de midi, c'est tout le même. C'est l'émission en face, c'est l'émission de Nagui. Ça n'est pas Feu Nagui. Feu Nagui, parce qu'aujourd'hui, c'est Jarry. Il est mort. Non, il est mort aujourd'hui. Non, parce que c'est Jarry maintenant qui le fait. C'est que AI, quoi, les paroles. Ils sont obligés. Un indice, la personne en question, personne n'a envie de prendre sa place. Non. A priori. C'est Macron. Ni la place d'à côté de lui, d'ailleurs. C'est pas Macron. Oui. C'est vrai qu'il est dans une pièce, tu le laisses dans sa pièce. Voilà. T'as pas spécialement envie. Ouais, on peut lui donner la réponse si vous Donnez-moi, l'avez. Donnez-moi, je sais pas, un indice. Il a un petit surnom. Ça va pas l'aider. Non, mais t'inquiète, Camille. Il est pas connu pour son métier ou son activité pour principale. Son hobby, disons. Non, mais hobby. C'est un gros baiser. Non. Ça, c'est Nagui. Ah oui. Allez, j'allais prendre une douche. Ah, c'est celui qui parle de l'anus dilaté, là. Non, c'est mon frère. C'est un tueur en série. Bon, écoutez. Je peux pas te dire mieux. Non, bah, c'est bon, c'est la réponse. J'en ai d'autres. Parce que moi, je le connaissais pas, celui-là. Ah ouais, le grêlé. Non, ouais, non. T'en avais pas entendu parler. Moi, j'ai écouté On de la traconte. Bah, ah, c'est oui, ça. Mais... Il a quelle voix d'ailleurs, le grêlé, si on la raconte? Écoutez-moi bien. Bah, on sait pas, parce que je crois que. Je pense qu'il fait pas sa voix. Parce que comme il a échappé et qu'il a jamais été interrogé, il fait pas la voix, on l'atte. En gros, il fait la voix en revanche des victimes, ce qui est le pire moment dans la raconte. Le grêlé, c'est un tueur en série responsable de 4 meurtres et au moins 6 viols. Les révélations de la journaliste Patrice Tourangeau dans l'heure du crime d'RTL. Patricia, pardon, ouais. Excuse-moi. Patricia Tourangeau. Ouais, mais t'as raison. Et donc, oui, ils avaient fait le portrait robot et ils n'avaient pas réussi à le trouver. Mais depuis 80, ils savaient qu'il avait fait des crimes entre 86 et 94. Et en fait, la spécificité de ce tueur en série, c'est qu'il n'était pas spécialement caché, puisqu'ils ont découvert qu'en 2019, il avait participé à Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui. Et donc avait répondu à des petites questions comme ça. Et malheureusement, et gros nulos le grêlé, si vous pouvez me permettre ce statement, ouais. Parce qu'il n'avait pas répondu à une seule bonne question. Voilà, il n'avait ah ouais pas... Ah non, il est-ce avait que vous zéro aimez pointé. Faire des meurtres ah. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Faire des meurtres. Est-ce qu'il y a une émission de télé à laquelle vous auriez aimé participer ou que vous aimeriez participer? On va pas, évidemment, on sait que Pauline a participé ouais. évidemment quiz. À la Nouvelle Star avec Émile Louis. Quoi ? Mais hein, quoi ? Elle a participé à la Nouvelle Star, on en avait parlé dans le Floodcast. Oui, non, tu confonds avec Julien Granel. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et Maxence. Je confonds toujours les deux. Et Maxence. C'est, les deux ont un amour de la couleur qui est vraiment incroyable. Il est bien plus sucré que moi, si je peux me permettre. Ah, c'est un des mecs les plus sucrés. Il me donne le diabète, tellement il est sucré, c'est pour te dire. Burger Quiz, t'aimerais bien. J'ai dit ça juste parce que j'imagine que c'est un peu une des seules émissions qui est vraiment drôle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, Burger Quiz, j'aurais même aimé écrire dessus. Ah ouais, tu fais passer un message et c'est fini. Non, c'est fini. Bah, non, je l'aurais pas. Ouais. Non. Non, puis surtout, je sais pas si j'aurai le temps, mais c'est vrai que c'est un truc que tu sais. Excuse. Non, mais c'est un truc. Peut-être sur un taxi moto, une petite vanne. Ouais, c'est clair. Qui je me prends, bordel, giflez-moi. Non, mais c'est bien. Mais ouais, pour ouais, moi, le taxi moto, t'as passé un cap. Mais je voulais pas à la base, c'est juste qu'à cause des horaires, parce qu'on a un train après. Un et pas tout. Vers le statut de. Non, mais je veux pas le refaire, ça m'intéresse pas. T'as fait un pas. Non, j'ai trouvé ça bien, mais je le ferai pas tous les jours. Non, ce qui est bien, c'est que tu sens que, que le chauffeur, son objectif premier, c'est que t'arrives vite. Ils sont assez investis d'une mission, alors que toi, ta vie, c'est pas genre sauver des vies. On me l'a fait pour aller à un concert. En plus, j'étais malade, j'ai de la morve, j'étais dégueulasse. Et je suis allée d'un concert à un autre concert en taxi-moto, et le mec, il était en mode, vous vouliez être à 46, sera à 34. Et, moi, j'étais là avec ma morve, et je me suis un peu pissée dessus d'ailleurs sur le truc. Trop bien! C'est la première chose que j'ai dit en arrivant sur scène, à un concert où les gens étaient pas particulièrement réceptifs à la pisse. Et je suis arrivée, j'ai fait, je me suis un peu pisser dessus et c'était genre il y a un mec qui fait ça commence quand les chansons là donc l'émission non c'est ça qu'on disait une on émission disait ça, on disait ça l'émission toi Camille t'as eu le temps de réfléchir pendant cette piste. Bah moi j'ai déjà réalisé mon rêve puisque j'ai participé à Motus en 2010 et on peut l'applaudir genre t'as applaudi hyper fort ouais je sais mais c'est pour l'auditeur tu sais et avant que ce soit cool avec Wordle et tout quoi. Oui, c'est ça. Wordle, c'est devenu un peu cool. Ouais. Mais j'avais trouvé un petit jeu sur Facebook pour m'entraîner. Non, je crois qu'à l'époque, il y avait vraiment il y avait un jeu Motus en ligne. Ah, c'est possible. Ouais, pour s'entraîner. Oui. Et on peut retrouver ton passage Motus? Je suis dans le best-of des 30 ans de l'émission. Oh là là! Est-ce que c'est Motus? Ah bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay, c'est dans le titre en même temps. Ça pouvait pas être. Parce que j'ai une réaction excessive quand j'ai tiré la boule noire. Du coup, je suis dans le best-of. Comme t'as fait. Ah non! T'as mis un coup de pierre tourné à Thierry Beccaro. C'est un peu excessif. T'as chopé Guy Lecluse à la gorge. Ça, c'est vraiment très dur de marquer un point dans l'émission. Le jeu est vraiment excessivement dur. Il faut proposer un mot tous les 8 secondes, un truc comme ça. Avec le bon nombre de lettres. Ouais, et les plaît bien. Ouais. Hyper dur. Et donc marquer un point, c'est méga dur. Et franchement, perdre la main sur un coup du sort, parce que c'est la boule noire, c'est t'es honteux. Encore hyper sérieuse quand t'en parles. Et perdre ce moment-là. Le trauma qui est encore. C'est honteux. Tu me suis fait éliminer par deux femmes de lettres. Ah ouais, mais voilà, mais déjà. Et donc oui, t'as même pas été en finale, t'as perdu. Ouais, non, j'ai perdu, parce qu'en fait, tu affrontes le challenger à chaque fois. Oui, je sais pas si on dit ça. Tu affrontes celui qui vient de gagner, qui est un peu chaud. Non, le challenger, c'est toi, du coup. Oui, voilà. Tu veux prendre sa place, d'une certaine manière. C'était le grêlé d'ailleurs, qui a gagné. Homicide. Et quelle était ta motivation à participer à Motus? Tu sais, j'avais gagné une Soda Stream peut-être. J'ai gagné un DVD pour un logiciel pour booster mon PC. Mais c'est des ouf. Ils ont vraiment trouvé le cadeau avec par Thierry Lhermitte, j'espère. Incroyable. Incroyable. Voilà, non, j'avais aucune. Je sais pas, j'avais beaucoup de temps libre en fait. C'est l'année où j'avais redoublé à la fac, où t'as validé quelques cours et pas tous. Ah. Voilà. Je fais oui, genre je connais la fac. Oui, oui, les validés, les non, cours. Non, mais c'est vrai que pareil à la fac. Quand... Et toi, tu es de Paris ou pas du tout? De banlieue. D'accord, ouais. Parce que moi en plus j'avais ce truc de oh là là, mais dis-moi, tout est dans la capitale. Et quand j'étais à la fac, j'allais beaucoup dans des publics d'émissions télé. Ah ouais? Bah parce que pareil, j'avais du temps libre. Mon frère le fait beaucoup. Vous avez vraiment une passion. Non, mais moi je faisais les moi je faisais le grand journal parce qu'il y avait acteurs et des chanteurs. Mieux que ton frère, c'est ça? Franchement, je le surpasse en tout point. Mais lui, il avait. Non, mais lui, mon frère, il a participé à Motus aussi. Mon frère, il a un truc de fou. Il a le. Quand l'émission s'est arrêtée, il est parti avec le clavier qui fait les oh, les trucs comme ça. C'est... Là, j'ai fait la denrée. Mais il l'a chez lui, genre. Il a le clavier de Motus. C'est incroyable. Ah non, mais je vous le dis. Alors, il en a peut-être eu plusieurs. Mais il a un des claviers de Motus. Ah, ça... Ils sont trop sympas, l'équipe de Motus. Bah... Moi, ils m'ont envoyé le DVD de mon passage, parce que je l'ai raté. Ils adorent les DVD, par contre. Ouais. Ils sont très support physique. Ouais, ça, c'est sûr. Et Thierry Beccaro est quelqu'un d'adorable. Moi, je l'ai dirigé une fois et il a joué dans un de mes sketchs. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai dirigé dans MacWalter 3 et il est venu jusqu'à là où on a tourné en banlieue, là, à Colombes. Il a fait vraiment l'aller-retour pour une réplique. Ouais, et vraiment trop gentil, trop correct. Ah bah ouais, mes enfants ils aiment bien et tout. Et il était trop gentil. Bon gars, Thierry Beccaro. De ouf. Il se souvient des prénoms de tout le monde. Alors qu'il tourne l'équivalent d'une semaine d'émission en une journée. Ouais, c'est ça. Oui, c'est trop ça. Fort. La vache. Très, très fort. Moi, je suis... ouais. Et il a un DVD avec les prénoms de chaque personne. C'est, il a pour un booster sa mémoire. Il a le DVD pour booster sa mémoire. Toi, Adrien, une émission. Toi, j'ai envie. Ah, tu sais quoi? J'aimerais te voir dans N'oubliez pas les paroles. C'est mon rêve. c'est mon rêve. Si je t'ai vu chanter du karaoké sur une story, tu chantes super bien. Je t'ai vu avec Marie de Brouwer. Ah, ouais, oui, j'ai vu une story et vous chantez tous les deux hyper bien. Bah merci, sympa. Bah, sympa de ta part, déjà. C'est un compliment. Non, c'est vrai que j'aime bien chanter, mais je pense que je sais pas trop placer ma voix parce que placer ma voix, ouais, petite chanson. Non, et après, en fait, dès que je fais du karaoké, j'ai vraiment plus de voix la fin, quoi. Attends. Et je pense que je sais pas vraiment utiliser ma bonne voix. Tu vois, mais je pense que trop, tu fais choix. Aussi peut-être trop des blagues en mode genre non, la la la. Non, alors que. Alors un c'est petit vrai. Peu, mais pas tant que ça. Je suis assez premier degré. Il est assez premier degré. Quand je chante. Non, mais c'est assez ridicule, tu vois. Quand je chante Belle de Notre-Dame de Paris, je suis à fond quoi. Ouais, et ouais. Y a pas de genre, blague. Et il imite pas Garou, ce que font beaucoup les gens qui veulent chanter Belle. De... Après, je faisais pas Garou là, je faisais. C'est qui le prêtre là? C'est Phoebus? Non. Fiori? C'est pas Patrick Fiori? Oui, ah ben non. Mais le personnage. Ah, excuse-moi, pardon, j'ai pas lu le bouquin. Vous moi, levé, vous avez pas vu, mais il a levé les yeux au ciel carrément. Oui, le personnage Fiori. Mais je pense que si je peux me permettre, tu chantes peut-être trop de la gorge et donc après. C'est ça, je pense que je sais pas bien chanter. Faut plus que t'ailles dans ton périnée. Mais bah, tu m'apprendras si tu sais le faire. Mais moi j'adore. Franchement, je te non, mais donne je suis de... pas hyper douée. Moi j'aime pas trop tout ce qui est technique, ça me saoule vite. Mais, ouais. Mais je sais que je perds jamais ma voix. Oui, voilà, moi c'est ça que je recherche. Je cherche pas à faire des trucs. Moi, de moi fou. Je crois que vous êtes complémentaires. Hein. Juste vous pouvez ne vous pas... aider. J'ai l'impression le yin et le yang. Ils sont devant moi en tout cas. Mais moi, on a fait récemment un anniversaire de Laura Felpin pour ne pas la nommer. Et ce que j'ai noté chez Adrien, ce qu'il ne fait pas. Et du coup, j'ai même trouvé que c'était un truc que faisaient les gens beaucoup trop à mon goût. Il n'imite pas les chanteurs qu'il chante. Mmh. C'est-à-dire que. Un vrai univers. Non, c'est-à-dire que quand il y a du Renault. Quand il y a du Renault. À 100% Renault. Mais non pas du tout si. Tu l'as confondu alors avec déjà, un autre gars. C'est pas moi qui ai fait Manhattan Kaboul, si. Ah si, mais si, si et mais t'as pas imité Renault. Si, totalement. Mais peut-être qu'il a mal imité Renault et tu t'es dit, il imite pas Renault. Oui, c'est peut-être ça. Non, c'est non, peut-être je l'ai extrêmement. Non, mais c'est vrai que les gens qui imitent les chanteurs au moment des karaokés, j'en suis pas fou. Moi, j'aime bien quand. Voilà, quand c'est y a ce que non. J'ai fait la semaine dernière, j'ai imité Mylène Farmer. Mais à la perfection, par contre. Alors, pardon, excusez-moi. Bien aimé, non, mais... On va. Un silence total. Je t'en prie. Non. Non, mais. Hyper gênant. Je le fais pas à chaque fois, mais parfois t'es quand même un peu. Mais parce que toi, quand t'es pris dans la. Non, mais. Il y a Julien Clerc, j'imite Julien Clerc. Oui, mais quoi. Ça, c'est pas pareil. C'est que tu le fais à l'apparition, ce serait une insulte à nous tous de pas ouais, le faire. Hein. C'est-à-dire que. Non, mais moi, il y a une époque où j'aurais vraiment aimé faire Fort Boyard. Ah ouais. Maintenant, plus trop. Maintenant que chaque invité qui l'a fait, qui est venu dans le podcast, nous a dit c'est horrible. Et c'est pas du tout parfois, vegan en plus. Parfois pendant 45 minutes, je ne vise personne. oui, rêve. C'est. Ouais, c'est Jérémy Ferrari. Ouais, ouais, bon, les gens l'avaient. Ouais, c'était le principe du sous-entendu en fait. Oui, elle l'avait pas, donc je lui dis. Ouais. C'était le principe du. Bon, bref. Non, Fort Boyard, je sais pas si. Ouais, Burger Quiz, ouais, j'avoue, ça aurait mais été marrant. Mais pourquoi Fort Boyard ouais, qu'est-ce qui t'a tiré en fait Mettre tes mains dans des verres. Je sais pas, il y a le côté un peu désuet et un peu. Faites foraine. Tu le fais avec des potes, c'est un peu. Se moquer des nains, t'aimes bien ça y a, t'as mis le doigt c'est sur vrai ça, que ouais. C'est mes deux désirs, t'es ça et jouer dans un film de Gaston Bide. Mais ça m'a passé les deux. Non, peut-être Burger Quiz, mais. Et Ninja Warrior Mais ouais, ça existe pas en France, si. Si, si, ça existe. Non, mais moi, je suis vraiment. Non, mais si c'était un Ninja Warrior. Condition physique, c'est une catastrophe. Oui, mais si c'était un Ninja Warrior un peu plus facile. Genre ce qu'il y a sur Gulli, un peu. Un truc un peu plus facile, tu pourrais faire ça quand même. Sur Gulli, c'est pour les enfants. Oui, ben, c'est tu te bats contre des enfants, c'est ouais, ça. Moi, ça pourrait plaire. Ouais, c'est ça. Sinon, moi, j'adore Top Chef, mais j'ai pas le niveau du tout. Ah ouais. Mais j'adorais être dans Top Chef. Je sais pas, je peux tenir des assiettes ou des trucs comme ça. Ah oui. Mais oui, genre oui. Là, le retour de Top Chef, j'attends depuis des lustres. Ah, quoi. Tu regardes? J'ai regardé même dans le train pour revenir de Rennes. J'étais comme ça avec genre ma vieille 3G pour regarder Top Chef. Et il y a d'ailleurs un mec que je connais qui est dans Top Chef. On a rien à foutre. Non, mais tu connais tout le showbiz. On en prend une vraie claque. C'est un truc, c'est une vraie info sur moi, c'est que je connais tout le showbiz. Tu l'as le gré, c'est le gré. Ah, mais en fait, on va se rendre compte qu'il est dans plein d'émissions télé depuis le début. Non, mais ça dit, c'est fou parce qu'il y avait un tueur en série américain qui avait fait ça, qui était recherché et qui avait participé à un jeu télé. Ah ouais. Et du coup, bah maintenant, nous aussi, on a notre gars. Bah, et attendez, on a pas. Tout le temps les Américains. Bah, ouais. Et attendez, on n'a pas regardé le casier judiciaire du père Fouras. On peut encore tomber sur des qui trucs. Qui est déjà un faux vieux. Ouais, c'est hyper bizarre, mais mal fait. En il a un truc à cacher. Et je le rappelle, son but est de faire perdre les gens pour pas donner d'argent à des assos. C'est-à-dire que t'as des gens qui jouent à Fort Boyard, ils viennent gagner de l'argent à des assos, et lui il fait tout pour que tu ne puisses pas donner de l'argent à une association. Il fait bon, allez la clé. Bah, allez, j'abalance dans la flotte. Un peu comme dans qui LOL qui de... ressort. Oui, c'est ça. Ils ont tout pompé sur Fort Boyard. Voilà. Mais Adrien, j'aimerais revenir sur cet anniversaire dans lequel tu as chanté, parce qu'il y a une story qui est sortie dans laquelle, je sais pas si vous l'avez vu, où il a une tête. De non mec ouais. Qui a envie. Bah voilà. Je peux expliquer peut-être bah, non. Je mettais un peu d'intro pour que tu puisses y aller. Il me déteste aujourd'hui. Je sais pas si vous avez non, fait pas il est sur la défensive pas du à tout. Cause de la gare de Lyon. Pas il a très tout. Mal pris qu'on enregistre au moment du non, mais moi, c'est ma malédiction. C'est que tout le monde croit que, que j'ai un ton désagréable quand je parle normalement. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que c'est une très bonne intro pour ce qu'on va raconter. C'est que. De surcroît, mon visage au repos, on a l'impression que je me fais chier horrible. Quoi. Enfin, j'ai le même problème. Ouais, c'est un peu normal, non? Oui, mais bah, je sais pas. Ouais, comme quand tu ouvres la caméra frontale de ton téléphone et qu'on dirait que tu vas te pendre. Ouais, mais parce que t'es un peu en train de te concentrer sur un truc, tu vois, t'es en train de faire un truc. Ah oui, mais même à l'état. Moi, juste, je fais rien, on dit oh là là, il fait trop la gueule. Et déjà, vous avez des visages au repos, et c'est vrai que parfois, il y a des gens, ils ne l'ont pas. Ils sont toujours souriants, ils sont toujours sur toi, il y a un truc. Des gens, oui, oui. Des gens qui ont fait de la chirurgie esthétique. Voilà, exactement, c'est ça que le, je voulais dire. Ou le Joker. Le Joker, bien sûr. Non, et donc on était à l'anniversaire de Laura Felpin, soirée karaoké. Très, très, très sympa très d'ailleurs. Sympa, très et sympa. Comme tu l'as dit, j'ai vraiment chanté la moitié de la soirée, quoi. Écoutez, je suis un des premiers arrivés. Il est arrivé. Je crois qu'à peine t'as enlevé ton manteau, tu as chanté immédiatement. Vraiment, vrai. Il a. On m'a tendu un micro, j'ai fait OK. Alors il ne refuse jamais mais ça. Mais est-ce que les autres, ils osaient pas trop chanter aussi? Non, c'était. Non, ça, non je les ai juste pas autorisés. Je lâchais pas le micro. Il y avait micro. Plusieurs micros. Est-ce des gens ont fait ça. Des gens ont fait ça. Des gens ont fait ça. Et chantaient moins bien que moi. non, et. Ils imitaient eux. Non, et en gros, donc j'étais vraiment dans. Bonne ambiance, quoi, tu vois. Bon vraiment, toi, là. Et juste, il y a le moment où Laura a coupé son gâteau d'anniversaire. Moi, j'étais derrière, bras croisés, en train de la regarder. Et c'est le moment qu'a choisi Natou pour faire une story. Influenceuse à plusieurs millions voilà. D'abonnés. C'est combien? C'est 2 millions. J'ai regardé mon doigt et ton doigt est autour de ça. Je crois que c'est 2 millions, hein, 2-3 millions de followers. Et du coup, il y a vraiment juste une story de cet anniversaire où on me voit et tout le monde a l'impression que je me suis fait chier. Donc, j'ai reçu des DM. Ah, bah, dis donc, t'as l'air de t'amuser. 3,9 millions. C'est une millions, étiquette voilà. Qu'on t'a collée. Moi, même parfois, je m'énerve ou je fais la gueule en story et les gens viennent me parler de toi. C'est-à-dire qu'ils me disent ah, oh, ça va plaire à Adrien ou Adrien aurait dit ça ou mais ça a rien à voir. C'est genre oui, juste tu es en train de râler sur un truc. Ouais. Oui, ouais. Ce qui m'arrive quand même assez souvent. Quoi. Ouais, ouais. Et encore, ils t'ont pas en ami privé quoi. En amis proches. Oui. Arrête avec ça. Mais après, il y a des gens qui sont jaloux de ne pas être dans mes amis proches. Bah, désolé, vous c'est avez vrai que être chamé. Je me plains énormément. Mais attends, et encore heureux. Et on a encore le droit titre. De se plaindre. On a encore le droit de se plaindre dans ouais, ce pays. Ouais. Ouais, hier, je me plaignais d'un fou. J'ai vu que tu avais vu un mec qui m'a dit fais gaffe parce que dans les pyjama shows, les vidéos que je fais sur YouTube, une fois, tu as mis ta façade d'en face, vite fait, on a vu. Et du coup, on sait où tu habites. Et il m'a dit fais gaffe parce qu'on pourrait venir chez toi et voilà. Faire des trucs bizarres. Et ce mec là est venu mettre plein de fois des trucs dans ma boîte aux lettres et du coup j'étais là mais pourquoi tu te décris toi-même c'est super bizarre et imagine, je lui ai dit ça. Je lui ai demandé d'arrêter et il m'a remis des vinyles et des trucs et il m'a dit j'outrepasse tes limites Oh là, la prison, hein, pour moi. Et ça, mais ça, tu vois, j'ai raconté en ami proche en mode je vais pas l'afficher, mais trop sympa en fait. Je pourrais l'afficher. Quoi. Oui, tu veux dire que dans un podcast écouté par des milliers d'auditeurs, par exemple. Ouais. Non, mais en plus, tu l'affiches pas, tu dis même pas qui c'est et tout. C'est juste, je crois que c'est une personne. S'il nous écoute, arrête. Tu ouais, c'est pas bien. Et vraiment consulte, fais un truc. C'est horrible. En plus de vraiment de verbaliser, j'outrepasse tes limites, c'est le grêlé pour moi. Ouais, et puis du coup, en plus, il y a un code pour rentrer chez moi. Donc ça veut dire que c'est une personne qui a attendu. Ouais, bon, que allez, la porte s'ouvre. Non, mais vraiment, là, quand tu disais la tôle, une petite main courante. Un minima. On est passé du karaoké à la main courante. Elle est fun. Une nouvelle loi est à l'étude au Sénat. Si elle est votée, l'enfreindre vous coûtera une amende de 300 euros. Aller chez les gens. Ah. Quelle est-elle ? Non, c'est pas ça. Mettre des trucs dans les boîtes aux lettres des gens. Non, pas du tout. Alors attends. Si on outrepasse cette loi. Ouais, c'est limite de cette loi. Ouais. 300 balles. 300 balles. Est-ce qu'elle est ridicule ? Elle est pas ridicule. Pisser dehors. Pas pisser dehors. Mais ça, je crois qu'il y a déjà un truc. Ah, oui, c'est. Ouais. Ouais, moi, mais... j'aimerais bien qu'il y ait cette loi. Pour qu'on arrête de pisser dehors. Ouais. Mais elle existe, hein, je crois que t'as pas le droit. Ça, aucun homme est au courant, je pense. Si, pas d'homme quand même. Oui, bah moi, l'autre fois, j'ai hurlé sur un mec qui pissait dans le parc à chiens devant tout le monde, un mec pas bourré. Ah ouais. Et je lui ai dit, excusez-moi, vous pouvez arrêter de pisser, genre de là où nos chiens ils se promènent. Et il m'a dit, je suis pas un chien. Hein. Bah, oui, pourquoi du tu coup, pisses dans les coup, chiens du coup dans un parc à chiens. Parce que moi à la limite j'allais dire quitte à pisser, je trouve ça pas mal d'aller dans le parc à chiens. Je me dis s'il y a de la pisse de chien, tu peux pisser en tant qu'humain. Tu vois, à la limite, je oui, veux pas oui, te sauver. Mais les chiens, en plus, ils viennent et ils lèchent. Enfin, tu sais, les chiens, ils sont un peu cons, ils peuvent lécher la pisse d'humain. Oui, mais et... si c'est de la pisse de chien, c'est aussi dégueulasse. Mais moi, ce qui me choque dans ça, c'est juste que t'as pas à sortir ta queue. Oui, voilà. Mais sur et la puis, pisse. Non, mais surtout, c'est le parc de Montmartre pour les gens qui voient. Tu vois vraiment un mec. Voilà, qui... oui. Moi, ça m'arrive tout le temps de croiser des mecs et tu vois un bout de leur tub et t'es là en mode j'allais acheter du pain et je me retrouve avec une tub moche de surcroît. Oui, parce que ce serait belle. D'accord, monsieur. Bel engin. Excusez-moi. Oh, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Je mets mon chapeau. Bonne journée. Je vous tends mon chapeau. Bien joué. Non, t'as uriné dans la rue, c'est 68 balles. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Mais une fois, j'ai vu un mec à Gare de Lyon sur l'esplanade là devant, enfin là où on marche et tout. Et il était en train de pisser. Il pissait contre le mur, mais. Tu sentais qu'il était venu chercher quelqu'un et il attendait, tu sais, il regardait derrière pour voir s'il sortait pas de la gare, mais en pissant. Et ça me faisait beaucoup, c'était plus visuel, donc c'était beaucoup plus drôle sur le moment que là. Mais c'était vraiment le mec qui s'est dit, bah attends, je vais l'attendre, mais je vais quand même pisser en même temps. C'était... Moi j'avais croisé un mec bourré. C'est petit pour moi. Un mec bourré la nuit qui pissait sur un mur basique, quoi. Mais en fait, le trottoir était en pente et en fait, ça l'inquiétait. Parce que du coup, ça faisait vraiment un ruisseau de pisse et il faisait oh non! Oh pardon! Oh je suis désolé! Il y avait vraiment un truc parce que moi j'arrivais et du coup, je voyais vraiment sa pisse se déverser devant moi comme une petite frontière qu'on dessine. Tu vois, son histoire, elle est plus visuelle encore. Mais c'est pas un concours, c'est pas un concours. Non, mais surtout à Paris. Moi, c'était plus subtil, donc c'est forcément moins. C'est un peu moins payant. Non, ce qui est fou en plus à Paris, c'est qu'en vrai de vrai, t'as des chiottes publiques partout et que maintenant, et ça, et merci à Hidalgo, t'as même des urinoirs collés. Mais c'est vrai que t'es fou de ça, toi. Je suis pas fou de ça, mais moi j'ai tout le temps envie de pisser. Ça fait deux fois que t'en parles dans le podcast. Oui, mais c'est important. Ça, en vrai, c'est comme... ça chlingue un peu, moi qui ai tout le temps envie de pisser, c'est cool. Mais parce au moins, que... tu vois pas un bout de zizi. C'est ça, t'es caché et tu pisses dans un endroit qui. Mais il y en a que Quai de Valmy là, non ? Ah non, il y en a beaucoup maintenant. Il y en a pas mal. Oui, Quai de Valmy, il y en a pas mal. Je crois qu'ils en rajoutent même l'été, je crois. J'ai l'impression des trucs temporaires et tout. D'ailleurs, je vous conseille l'application Flush. C'est une carte avec toutes les toilettes publiques et ça m'a bien sauvé la mise quand j'avais vraiment ultra envie de pisser. Tu marches dans Paris, t'es loin de chez toi. Alors j'ai une question pour vous. Que pensez-vous des cafés et des restaurants qui refusent que tu utilises leurs toilettes si tu ne consommes pas ? Vous êtes d'accord avec ça ? Vous trouvez ça un peu abusé ? Moi j'ai travaillé au Starbucks des Halles. Ah ouais. Oui, voilà. J'ai nettoyé des chiottes vraiment hardcore. Avec de la merde sur les murs et tout. Là. Alors qu'à la limite, s'ils avaient pris un macchiato, ça aurait été ok. Non, mais ça peut être des clients aussi qui chient sur les murs. Il y avait beaucoup de SDF, des marginaux en fait. C'est des gens qui ont. Qui font caca marginalement. Ouais, c'est ça. J'ai fait un geste, vous pouvez pas voir. Moi c'était Patrick Sébastien. C'est pareil, j'allais dire le plus grand cabaret du monde pour moi. Mais... Alors lui je l'adore, il jette sa merde sur les murs. Merde, c'est génial, je vais me faire engueuler encore. Mais toi, Francky elle fait caca sur les murs, non ? C'est vrai. Si je puis dénoncer. Sur les murs des gens qu'on aime, comme les Kids United. Non, elle a ce truc, je pense que c'est à cause de son passé de chien de la rue. Ouais. Et du coup, c'est genre. Quel nom de son EP aussi, d'ailleurs. Exactement. Et du tien aussi, potentiellement, parce que les gens te prennent pour un chien. Non, mais en fait, les chiens, ils veulent marquer leur territoire. Et en fait, plus tu pisses haut, plus tu marques ton territoire. Enfin, bon, bref, c'est un peu un truc de hiérarchie et de compétition. Ouais. Et du coup, elle pousse le truc. Déjà, elle pisse comme un mâle, c'est-à-dire, elle pisse en levant la patte d'accord, pour sûr. Pisser contre les murs. Et elle veut chier aussi contre les murs. Et ça, j'ai jamais. Elle persiste quoi. J'imagine vraiment j'ai faire un ATR faire. Avec ses pattes arrière. Non, quand même pas. Mais genre juste, elle colle son cul. Oui, elle colle son cul au mur. Mais du coup, il y a pas mal de caca sur les murs. Moi, avant, je comprenais pas. Et il y a plein de chiens en fait qui font ça. Et moi, ma chienne, elle pisse en poirier aussi à chaque fois. Oui, c'est vrai que t'avais dit ça. Et toi, tu disais, je suis sûre que tu dis ça pour faire son intéressante, mais j'ai plein de vidéos. Non, mais je crois que tu m'avais montré une vidéo. Et ce qui est chiant, c'est mais elle est poil long en plus la tienne, non? Elle est poil long. Et du coup, elle veut pas se pisser sur les pattes arrière, donc elle fait le poirier. Et en fait, c'est rigolo et tout. Mais quand t'es un peu dans un mood de merde et que tu traverses une rue et qu'elle fait ça devant toute une terrasse de café et que tout le monde fait genre, toi t'es là, trop marrant. Mon chien, il est plus propre que le tien en fait. Mais voilà. Elle se pisse pas dessus du tout en faisant ça. Parfois, là, elle a les poils très longs, mais là, c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, elle pue donc, et tout. Plus propre. Donc là, ça va être rasé. Non, mais par contre, c'est vrai qu'elle, si elle se pissait sur les pattes arrière, faudrait que je la nettoie tout le temps, c'est la purée. Ouais. Toi, Camille, t'as pas de poirier. Toi qui fais le poirier quand tu pisses. Non, t'as pas de chien, mais t'as un petit bébé depuis peu de temps. Non, mais parce que moi j'ai des anecdotes aussi. Comment t'es par rapport au caca de tout ça? Ça ah, va? Ah, bah là, je suis en pleine diversification alimentaire. Ouais, je sais bien, c'est pour ça que je te lance. Donc, des horribles merdes, c'est ça, non? De quoi? Ça fait des horribles merdes, c'est ça, non? Bah, tu sais, dès qu'ils mangent de la viande et tout, ça pue de ah ouf oui, et tout. Ah oui, oui. Mais en vrai, ça va. Ça fait des petits, on appelle ça des tétraèdes. Est-ce qu'il a fait un tétraède? On s'est dit entre nous. Et c'est vraiment ça ressemble à de la pâte à modeler et ça c'est mignon. Est-ce que t'as la machine pour faire des spaghettis? Ouais, voilà, c'est assez agréablement sûr. En fait, c'est stocker la merde qui est horrible. C'est oui. La poubelle à merde. La poubelle à merde, c'est horrible. C'est mais j'y avais jamais pensé, tu peux pas mettre dans les toilettes en fait. Bah non, il y a la couche. Ouais. Ah putain. Mais stocker la merde et la pisse. Je pourrais extraire le tétraède de la couche dans les chiottes et tirer la chasse. Non, oui, presser la couche pour enlever la pisse, effectivement, ouais, bon, comme une chaussette après là. Faut mettre des gants en MAPA. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, sinon, une bonne boîte hermétique fait l'affaire. Mais j'imagine. Nous, effectivement, la poubelle à couche, après diversification, on n'était plus dans la chambre parce qu'en fait, la chambre pue la merde. C'est genre une litière de bébé. Ouais, c'est énorme. Ah, ouais. C'est... Et moi, ça y est. Une fille, tu sais pas ça. Ah, pour le jet du pipi. Ah, ouais. Et donc, c'est un vrai truc ça. Ah, c'est un vrai truc. C'est presque systématique en fait. Au début, pas. Quand tu changes la couche d'un bébé, un petit garçon avec un petit pénis, il pisse en geyser, il peut te pisser dessus et il se pisse sur le visage même, tu vois, il fait pfft, il s'en prend et il rigole ou pas? Il s'en fout, il est là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, une définition de mon oncle. J'ai de la pisse sur la gueule. Non, mais il paraît que c'est au moment où t'enlèves la couche, genre il y a un truc d'air frais sur la tub qui leur donne envie de pisser, quoi. Ouais. Il paraît. C'est très. Non, mais comme quand tu prends une douche un peu, c'est caca qu'il y a d'habitude quand même. Et ça dit, c'est comme quoi il y a un truc un peu bien fait, quoi. C'est-à-dire que c'est quand t'enlèves ton froc, il y a un mécanisme bien fait. Du quoi. Coup, tu peux anticiper, genre, tu ouvres la couche et là, tu mets une espèce de saut. Ouais, Et après, tu lui mets dessus, t'es là, bon, allez. Bah, tu prends un verre comme ça, toi, tu fais olé! Ma shampooineuse, la bicelle, que t'aspires le gel. Comme Ghostbusters, quoi, t'aspires le gel. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, la petite, en tant que fille, elle a pas ça. C'est pas quand tu ouvres la couche, elle pisse pas plus, quoi. C'est mais genre, t'as elle a pas déjà fait pissé. Les geysers de merde. Moi, j'ai une copine à qui ça est arrivé. Ah, elle non. S'en est pris dans le visage et tout. Ah non, non, non. J'étais terrifiée mais parce que moi. C'est la merde de ton enfant, ça va. Non, non, non, ça, je suis. Geyser de merde! Excusez-moi, pardon. Un jour, j'étais à une soirée l'été et il y avait une petite piscine gonflable, tout le monde était dedans et il y avait un enfant et le gamin c'est les toutes petites piscines vraiment minuscules et le môme a pissé dans la piscine j'ai dit bah va. Du coup non j'y vais pas et on me dit oh ça va c'est non, du pipi bah d'enfant non. Bah non non déjà pourquoi t'allais dans une petite piscine gonflable parce que c'était pour non mais c'était les adultes étaient dedans ils ont amené le gosse dedans genre le fils de Carlito voilà je vous le dis c'est un fils de Carlito il a pissé dedans donc j'ai fait bon bah au revoir on me dit oh ça va c'est du pipi d'enfant je fais oui après vous avez jamais pisser dans une piscine, même en étant adulte? Non, l'océan peut-être, mais moi, pas la piscine. Moi j'ai fait plein de fois. Oui, toi tu pisses dessus sur les motos taxi. Où est-ce que t'as pas pissé en fait, Pauline, à un moment? Là je suis en train. Non, mais tu sais, une piscine un peu grande. Tu dis personne le saura et tu pisses. Non, pour moi, dans l'océan, oui, mais. Pour moi, tu le sais en plus. Je sais mais pas, non, parce qu'il n'y a pas. Il y a tellement de chlore, ceci dit, il y a tellement de chlore. Mais ouais, je trouve pas ça grave, moi. Ouais. Donc, merci. Grâce au chlore. Ouais. Après, toi, tu te prends des geysers de merde. J'ai aucune limite. Non, elle a dit que c'était une amie. Ouais, une amie lointaine. Mais ceci dit, tu parlais de piscine. Moi, je suis pas très gêné par le caca, le pipi, je m'en fous un peu. Par contre, donc là en ce moment, je mets ma fille. Par contre, l'épais, ça, tu supportes pas quoi. Non, mais ma fille. Non, mais je suis pas. Oui. Ma meuf chirait dans son bain. Je serais peut-être un peu mal à l'aise. Oui. Je parle du bébé. En ce moment, ma fille, on lui apprend à faire caca. En fait, elle aime pas le pot, donc elle fait caca aux toilettes. Mais avec un petit escalier et un truc qui se met à la taille de ses fesses. Ah oui, tu comme vois. Pour les chats là. Exactement. Ouais. Donc c'est trop mignon et tout, mais c'est le début, donc c'est pas très bien fait. Souvent, elle a déjà fait dans sa couche, et quand on va pour s'asseoir, elle a déjà fait. Et des fois, c'est après. Et là, récemment, elle a chié dans son bain, et moi qui étais pas très mal à l'aise avec le caca, là, c'est horrible. T'as pris une passoire ? Non, j'ai pris un gant MAPA, je crois, un truc comme ça. Mais tu sais, rattraper une merde dans l'eau, un peu luisante. Et en plus, maintenant qu'elle est... Elle est pas grande, elle a 2 ans, mais tu sens que ça arrive quoi. Tu sais, elle a vraiment le visage qui fait. Tu vois, tu sais, elle hurle. Ah non. Et toi, tu dois pas. Tu sais, t'as tout un truc d'éducation où tu dois pas faire. Non. Oui, il faut pas la dégoûter. Faut pas la lui faire peur ou quoi que ce soit. Elle va être constipée comme toutes les femmes de la terre. Exactement. Sachant que moi, je fais en sorte qu'elle soit pas constipée puisque j'ai même accepté récemment. Donc, je la mets à poil pour se prendre son bain. Et elle dit toilette. Je fais viens, on va aux toilettes. Et elle s'est arrêtée sur le moment et elle a hélas. Chier par terre. Elle a vraiment fait un. Vraiment. Mais j'ai vraiment hâte qu'elle écoute cet épisode quand elle aura genre 18 ans. Bah ouais. Mais elle est non, mais après elle a que 2 ans et elle fait aux toilettes et tout. Enfin, elle est encore en fait. Et puis elle est en avance, c'est une zèbre. Enfin, je vous dis ça en toute objectivité. Alors on a fait un petit détour caca pipi. À la base, c'est adoré. Ce qui arrive jamais. Hein. En vrai de vrai, je crois que ça fait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Mais je vous parlais de cette loi à l'étude où tu te prends une amende de 300 euros. Mais bien là, sûr, on a oublié. Mais c'est ça le floodcast qu'on aime. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Internet? Pas du tout. Est-ce que c'est le compost? Non. On n'est pas dans le caca pipi ou dans les déchets. D'accord. Déjà, ça a l'air pas drôle du tout. Si je peux me permettre. Non, mais c'est un truc qui arrive souvent. On en entend parfois parler dans certaines situations. Faire du bruit, c'est pas large, faire du bruit. C'est large. Oui, on en entend parler dans certaines situations. Sur oui. La en fait, terre. Tu veux dire tout? D'accord. Je vous dirai, j'ai fait. Non, mais là, je donne la réponse. Voilà. Alors, ok. Non, est-ce que c'est un peu une motus? J'ai commencé à épeler et je me suis rendu compte que c'était trop. C'était un peu là. Est-ce que c'est en rapport avec les animaux? Ce n'est pas en rapport avec les animaux. Un truc de conduite? Alors. Pas de conduite, mais de transport. Est-ce que ça, j'allais dire, est-ce à que manger ça dans le métro. Pas manger dans le métro, dans mais le dans train. Les trains. Pas le droit aux manger le des œufs durs dans pas le train. Pas le téléphone, pas les œufs durs dans le train. Tu manges des œufs durs dans le train? Non. Et tu manges des croque-monsieur au cinéma? C'était il y a longtemps. D'ailleurs, je te préviens, moi, il faut que j'aille m'acheter à manger avant qu'on. Ah, mais on le fera, on le fera. Qu'est-ce qu'il a avec Lilian? Parce que t'es en CM2. Adrien, t'es en CM2. On a le droit de manger après quand on est des adultes. Non, oui, déjeuner à 16h30. Moi, j'adore ça. Moi, c'est fini après, moi. Je suis déjà là en perte d'énergie, là. Maintenant. T'es tellement pas espagnol. Et pourtant, claro que si. Je peux te montrer mon test ADN, tu serais surprise. Oh là là, cocorico. Plus de 50% espagnol, ma pauvre. Ah ouais, t'es plus espagnol que français. Ouais, génétiquement, ouais. Ah ouais. Putain. Donc je t'emmerde. Manielito. Lo siento. Ouais, ouais. Camille, t'allais dire quelque chose? C'est pas s'asseoir à la mauvaise place quand même. Non, ça va. Ah ouais, ça va. Hardcore, 300 balles. Ah, les bébés qui pleurent. Pas les bébés qui pleurent. Les valises en trop. Faire un tweet. Quand t'as des valises. Faire un tweet. Pour dire qu'il y a un bébé qui pleure, ou une story. Avoir un vélo? Pas les vélos. Des valises que toi-même tu peux pas porter. Genre t'as 3 valises alors que t'as que 2 mains. Non, ça c'est. Se lever avant le train. Non, que ça arrête. Non. Je suis assez pour. Ouais. Qu'est-ce qu'ils me font dans Attends, les valises, t'as dit on se rapproche? Ah ouais, on est très proche avec les valises. Les instruments de musique? Non. Mettre sa valise à ses pieds. Non, un truc qui arrive souvent dans le train. Déplacer la valise de quelqu'un? Faire trop chier. Ça me rend fou de rage. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer parce que c'est pas si grave. Le vol? Non, je déteste que des gens prennent ma valise et tout pour la remettre bien pour mettre leur sac. Pourtant, c'est normal et non, je leur en veux pas. Moi, mais ça train, me touche un truc à moi. Ce que c'est vrai, je suis hyper énervée dans le train. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, mais c'est surtout en France, parce que moi j'ai voyagé around toi, the world. Ouais, c'est ce mais les gens dans le train en France, ils sont paniqués. Et du coup, ils te parlent mal. Il faut. C'est ma place. Et en fait, tu te rends compte, c'est même pas le bon train. Ouais. Et ils sont en panique. Ils font tomber leur truc. On est très stressés. Bon, c'est surtout les vieux. Ouais. Oui, bien sûr. Les vieux. Ton stand-up, là, t'es en train de tester un. 5 minutes là. Et les vieux, ça. Non, mais c'est son prochain roman graphique. Vieille peau dégueulasse. C'est les gens qui se préparent à sortir, mais genre ah oui. 20 minutes. Ils font la queue très loin. Mais pour moi. Et qui attendent juste à côté de toi, et du coup, toi, tu peux pas te lever pour prendre tes affaires. Ils mettent leur cul dans ton coude, genre. Ou tu joues, genre, parfois même. Je pense que c'est un truc où ils ont tellement pas de contrôle sur les transports en commun qu'ils se disent non, mais là, je contrôle un peu. Mais sauf que tu contrôles pas tant, tu gagnes 20 secondes, 30 secondes. Ils en parlent dans le dernier sur-parole avec Justine Poitier, ils parlent de ça. Et bah, tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'en rapport avec les voler des valises. Pas le droit vous de êtes voler. Pas loin. En fait, dites-vous que c'est un truc où ça, t'as une amende. T'oublies alors que ta valise, le truc. Exactement. Le déminage. Là, pour l'instant, il y a pas d'amende. Pour le moment, il y a pas d'amende si tu oublies un bagage ou un colis dans les transports en commun. Comment ils savent que c'est toi? Parce que t'as étiqueté ton bagage. Normalement, comme tout le monde. Moi, c'est arrivé deux fois. Si tu penses à étiqueter ton bagage, tu l'oublies pas en principe. Si, généralement. Si t'as laissé ton bagage et que tu regarde Pauline. Quand on était en tournée avec Axel, il y a un moment, j'étais super fatiguée, je pense. Donc Axel, c'est le mec avec qui j'étais en tournée pendant plusieurs années, on faisait des blagues sur le fait qu'il oubliait souvent des trucs. Et une fois, deux semaines d'affilée, il a oublié son sac dans un train et donc il y a une équipe de déminage qui a dû venir. Il a dû aller dans une autre ville machin. Et je crois qu'au final, il a rien dû payer, mais ça avait foutu un énorme bordel pour une banane, tu vois. C'est ça. Pas l'aliment. Non. Parce que là, ça va. Ils l'auraient laissé, je pense. Je pense pas qu'ils auraient appelé les démineurs. Enfin, je pense. Elle donne pas des tips aux terroristes. Oui, mettez une bombe dans des fruits. Ça, franchement, une bombe dans une banane, je t'en veux pas. Moi, j'aime bien, il y a un petit truc un sympa. Un peu marrant, un peu Tex Avery. C'est ça. Oubliez un bagage ou un colis dans un transport en commun, quel qu'il soit, vous verrez infliger une amende de 300 euros. Il faut savoir quand même qu'à la SNCF, en 2023, plus de 4300 heures de retard sont dues à des oublis de sacs, de colis, etc. etc. Donc, tu parlais du gars avec qui vous attendez, mais est-ce que toi tu es tête en l'air? Est-ce que tu te qualifierais de tête en l'air? Pas du tout. Non. Moi, elle cache bien son jeu. Moi, je suis plutôt genre, je vais anticiper justement. Par exemple, quand le train il arrive, moi je suis pas debout, mais par contre, j'ai déjà tout rangé dans mon sac. J'ai le chien sous le bras et le machin. Parce que je sais que s'il y a genre 3 minutes d'arrêt ou qu'il faut prendre un autre train, moi je peux y penser 2 jours à l'avance, tu vois. Est-ce que je vais pas rater le truc? Donc je suis pas du tout tête en l'air. C'est tout, je crois que c'est ça la fin de ma phrase. Mais tu te prépares. Moi par exemple, j'arrive souvent en avance sur les trains, des trucs comme ça. Ah, mais j'adore. Moi j'arrive genre 40 minutes. Aujourd'hui ça va être compliqué, mais. 40 minutes à l'avance. Ouais, bon, après, ce qui est chiant, c'est quand il est tôt ou très tard et que t'es une meuf seule dans une gare, t'es cible idéale pour qu'on vienne te faire chier. Ouais. Mais sinon, ouais. Moi, je préfère avoir le temps plutôt que de courir parce qu'en plus, je cours mal. Donc, en fait, si je suis en retard, c'est genre horrible quoi. Et ils ferment les portiques 2 minutes avant. Donc, je m'énerve très souvent aussi avec les gens qui travaillent dans les gares. Il y a toujours des problèmes avec les chiens, les billets, l'application qui marche pas. Détestes les vieux parce que tu en deviens une. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Je suis une conne. C'est le nom de ta prochaine BD, on peut le dire. Non, je suis assez sympa avec tout le monde, mais c'est vrai que la SNCF, ils font souvent chier. Et l'autre fois, ils m'ont proposé de me payer un billet, que je fasse des stories et tout. Ce serait vraiment hypocrite de ma part. Que je vous hais en fait. Non. Moi, c'est pas la SNCF, c'est plutôt Apple, je pense. Oh. Ce truc de mettre le désolé Apple, vous allez en prendre pour votre grade. Je vois pourtant un iPhone et un Mac à côté de moi. Putain, franchement, je suis dans mes contradictions. Ouais. Tu sais, il y a le truc où tu mets le QR code. Et du coup, quand tu mets le QR code, la carte bleue se met alors, en place. Il faut que tu mettes ton billet dans l'application. Si c'est dans l'application, ça le fait. Oui, pas. Mais des fois, tu peux pas. Normalement si. J'ai essayé parce que je le avec fais toujours avec l'application SNCF Connect. Oui, mais des fois en fait si le billet n'a pas été acheté avec moi ça m'a si fait ça la dernière fois. Oui, c'est quelqu'un qui paye ton billet. C'est ça. Moi j'ai dit à chaque fois normalement mais non mais parfois tu peux quand même le faire. Mais la dernière fois des fois ça marche pas très bien. Je le fais tout le temps de l'ajouter et là ils m'ont dit ah non, vous pouvez pas l'ajouter à l'appli. Donc j'ai juste fait un screen du QR code et effectivement quand t'essaies de le passer, mais c'est nouveau, c'est ça faisait pas ça avant. Ah, moi ça me le fait depuis 1 ou 2 ans hein, quand même. Ah ouais, facilement. Ah ouais, okay. Et là il y a un contrôleur qui arrive et qui fait mettez-vous en mode avion et ça marche pas en fait. Oui, ça a rien à voir. Non, mais souvent ils passent maintenant je trouve qu'ils passent le truc. T'sais, ils ont leur propre truc, ils font oui, non, bon, allez. Non, mais très bien que ça marche. C'est clairement de leur côté, c'est ça. En fait, il faut le faire très vite. Il faut le faire très vite. C'est ça. Faut vraiment faire clac. Mais non, et je te jure, j'ai aussi essayé. Non, mais si, j'étais pas rapide. Mais moi, j'ai fait très vite, ça n'a pas fonctionné. Bah, moi, ça a fonctionné. Ils m'ont pris tout mon argent. Après. Toute mon épargne, elle est partie dans le. Ça fonctionne après, genre, deux ou trois essais. Ouais. Moi, ça a marché, mais du coup, il y a des gens derrière qui. Non, non, mais ça marchera pas. Des gens comme toi, du coup. Ouais. Non, non, mais ça marchera pas. Je t'ai dit, ah, mais si, machin. Mais sinon, effectivement, des tips qu'on donne. Faut juste demander au contrôleur qui est à côté, il te scanne et c'est bon. Avec grand plaisir. Voilà, faites ça. Mais alors, un peu d'humain. Vous parlez aux gens. Pas. Bah, les IA, là, y a pas que les IA. C'est clair. Putain, vous m'avez foutu en rogne. Déjà qu'il avait faim. Du coup, on a répondu à la question. Tête en l'air un petit peu, Camille. Tête en l'air. Non, je suis comme toi. J'arrive 1000 ans avant à la gare. Propre. J'organise tout et tout. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est angoissé? Ouais. Ouais. Exactement. On peut se serrer la main. Et par contre, j'ai eu quand même le postpartum. Ah oui. Ça m'a quand même niqué le cerveau, quoi. J'oublie tout. Je note tout maintenant. Mais t'as le droit, parce que les gens ils sont en mode ah. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Mais ouais. Est-ce que tu peux l'utiliser parfois peut-être comme excuse pour pour pas aller à des trucs, non, par franchement, exemple. Franchement, je suis catastrophique. Non, j'utilise rien comme excuse. Je voudrais être parfaite. J'arrive pas. Pour moi, tu l'es. Ah, merci. Pour moi, tu l'es. Toutes les femmes le sont. Toutes pour les femmes. Surtout celles qui ont donné la vie. Adrien Miel, toi t'es organisé, toi t'es voilà. Après, on avait dit la dernière fois, oui, que tu voulais mettre des post-it sur des trucs pour. Non, tu sais, tu mets des objets à des endroits pour pas oublier. Mais c'est une forme d'organisation, du coup. Oui, c'est vrai. C'était, c'est vrai. Genre, quand je sais que je dois, par exemple, amener un objet chez quelqu'un, je pose devant la porte un objet incongru. Ouais. Du coup, au moment où je sors, je fais, c'est quoi ce truc? Ah oui, c'est vrai. C'est parce que... Ah ok, pas tu mal. Poses pas l'objet en question, c'est plus un objet. Potentiellement qui te fait si. Penser. Ouais, ouais. Mais pas, enfin, si c'est un truc fragile, je le fais pas. Ouais. Le mec met une tringle à rideau en travers de sa porte. Pour trop prendre chiant. Ses clés. Je mets un pied jaloux. Bah, attends, c'est hyper dangereux. Ah oui. Ah oui. Mon vélo. Non, ouais, pareil. Moi, je fais. En fait, spécifiquement les départs. En vacances et tout, ça m'angoisse parce que je suis très, bah, comme tu dis, je suis pas un voyageur léger. Moi, j'aime bien un peu amener beaucoup de trucs de chez moi là où je vais. Et du coup, je fais vraiment des immenses listes qui sont classées par catégorie avec des cases à cocher pour être sûr de bien rien oublier. et j'ai quand même une angoisse en partant de me dire putain, je suis sûr que j'ai quand même oublié un truc. Et tout. Peut-être qu'aussi on accepte de trop de choses. C'est et c'est vrai que moi, parfois aussi, j'ai envie de péter la gueule de tout le monde et je me dis, mais c'est moi qui dis non faute, à rien. Ouais. Et c'est vrai que le moindre truc, genre, t'as tout organisé et d'un coup, tu vois qu'il te reste de la vaisselle à faire. Moi, c'est genre, je peux me mettre à pleurer et être en mode, j'en veux plus. Alors que bon, juste trop. Mal organisé. Ou alors, quand t'as fini la. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai fini la vaisselle et je suis genre, ah, j'ai fini. Et en fait, il reste la casserole qui était restée sur le feu. Moi, je la jette à la poubelle. J'en rachèterai une. Tu sais, quand t'as fini la vaisselle et t'as même, genre, bien, tu sais, essoré l'éponge pour pas qu'il reste. T'as nettoyé l'évier même un peu. T'as tout fait et après, tu fais, ah, et merde. Et ben, ah, ça a un coup au moral. Mais après, les trucs de liste et tout, je sais pas toi, mais je me souviens, on avait parlé du fait de pourquoi on aime être organisé, avoir genre des sacs à dos, des habits. Moi, j'aime bien avoir des habits un peu techniques. Genre pas trop lourd à porter et tout, et c'est aussi un plaisir quoi. Ouais. Genre par exemple, c'est vrai que faire des listes, cocher des trucs et tout, c'est pas juste oh là là, je suis trop angoissée. C'est aussi moi, j'aime bien, et c'est vrai que je pense que c'est angoissant pour les autres. Moi, je sais que mon copain il oublie vachement de trucs et il a une technique, c'est que genre il filme en partant, il filme son appart et il parle tout seul et il est en mode j'ai éteint le gaz, j'ai machin, oui, j'ai machin. Ouais, et parfois j'ai regardé ses vidéos, j'étais en mode t'es malade, genre, il se dit ah, est-ce que j'ai fait ça, voilà, il regarde ça, la vidéo. Il doit prendre aussi, il est épileptique donc il doit prendre des cachets, et à chaque fois qu'il prend le cachet il dit cachet pris, et il a des trucs comme ça. Il y a une technique aussi de chanter une chanson. Ouais, en moi je le faisais sur fermer la clé. J'avais un truc sur fermer la porte, à chaque fois je fais putain, j'ai fermé la porte à clé ou pas, et du coup pareil, je chantais une chanson comme voici ça. Les clés. Voici les clés, tout simplement. Mais c'est vrai, re-regarder ta vidéo de toi qui ferme ta porte, c'est bien. Moi, j'ai toujours peur de partir et d'avoir laissé le four allumé et de brûler mon chien. C'est ma phobie. Je la retrouve en mode genre gigot. Donc, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce truc aussi de. En fait, je vois la réalité parallèle où je suis pas organisé, où c'est une catastrophe, et du coup, je me fais un peu des high five mentaux, quoi. Ouais, je me sais que, par exemple, la dernière, je suis toujours très en avance sur le train, mais genre beaucoup trop, donc pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais je suis en avance, sur le train, et même ma meuf, elle est pas du tout comme ça, donc des fois, genre, cool. On est à Gare de Lyon 45 minutes, trop bien avec un bébé, génial. Mais j'ai la vie, et la dernière fois, on prend le truc, et la ligne de métro était en panne, donc on a dû prendre un autre... Sueur froide. Oui, mais non, car on avait une heure d'avance. Oui. On a pu prendre l'autre truc et on est arrivé 10 minutes avant, donc pas large, mais on a eu le train. On l'aurait pas eu si j'avais mais pas oui, été mais extrêmement... Mais oui, mais moi, dans ces cas-là, je me dis, imagine, j'avais pas pensé, je suis quand même stressée. Quoi. Ah non, moi, je me dis, putain... Bien beau joué gosse. Mon pote, beau ah gosse. Ouais, ouais. Je vais aller au relais m'acheter des chips. Ah mais moi, bien sûr, y a rien qui me rend le plus heureux. Sailor est une jeune femme qui s'est fait tatouer un QR code. Et oui, mais à votre avis, je pensais même pas que c'était légal. Moi j'avais entendu des tatoueurs qui disaient qu'ils ont pas le droit de mettre des codes barres ou des trucs. J'avais vu un confession intime sur une fan de Barbie et elle avait voulu se mettre un code barre et lui il avait dit non je mets pas de code barre, c'est bizarre, etc., etc. Bon, cette personne là, elle s'est fait un QR code, mais à votre avis, à quoi mène ce QR un code? Un truc pratique. Pas du tout. Un album de Damien Saez. Non, mais on s'approche. Sa chaîne YouTube. Pas sa chaîne et YouTube. Et sa chanson préférée. Ah, je sais. Une chanson. Rickroll Never Gonna Give You. Très bonne réponse. La chanson. C'est quoi? C'est la chanson un peu troll, tu sais, Never Gonna Give You Up. C'était ce truc où dès que t'envoyais un lien. Oui, mais tu sais, c'est là t'envoyais un lien. Ah. Genre, c'est un pas lien le Rickroll. Non. Le Rickroll, c'était, oui, c'était mais... une pratique sur internet, mais il y a 15 ans, je pense. Ah, on n'était pas nés, désolé. Et en gros, le principe, c'est... Je suis vieille, moi, je suis pas dans ta team. Je peux pas dire je... Elle a participé à Motus, hélas. C'est donc... clair, c'est clair. Ah oui, merde. Bon, elle a fait la nouvelle star avec le grêlé. Pas jeune Julien non Grêlé. Pardon, Julien Grêlé. N'hésitez pas à le mettre sur son Wikipédia, Julien, bien sûr. Julien Grêlé. Ce sera le titre de l'épisode. Et non, et en gros, le principe, c'était... c'était un peu une sorte de prank, mais... prank slash meme... Tout ce en que gros, t'aimes, non? Bah j'adore, trop marrant. Non mais en gros le principe c'était quelqu'un disait ah je cherche je sais pas une documentation sur les singes en Amazonie, j'en sais rien, n'importe personne quoi. Et quelqu'un dit ah bah si regarde ce lien. Tu cliquais sur le lien et en fait ça t'envoyait vers le clip de Never Gonna Give You Up de Rick Astley sur YouTube. Et c'était un truc voilà, dès quelqu'un demandait un lien, t'envoyais un lien et en fait ça t'amenait vers et tu te faisais Rickroll. C'était le principe. Et du coup elle a fait ça, mais là récemment du coup. Ah oui, une ringarde. Ah, hélas. Énorme ringarde. Et j'étais toujours déçu que les Français l'aient pas adapté à leur sauce, parce qu'on avait quand même la chanson Toujours là pour toi des To Be Free. C'était une reprise de Never Gonna Give Up, je serai toujours là pour toi. Ah oui, te voir pleurer. Claude François par contre. Ouais, bah, et c'était voilà, et ça n'a fais jamais gaffe à la gorge. Ouais, des petits brins de voix, des petits brins de voix quand même. Allez, To Be Free, faut pas le faire à la gorge, faut le faire directement au corps. Tu m'as mis les poils. Bah ouais. Une fois que les gens scannent son QR code, ils deviennent vite très amusés. Vite très saoulés. Surtout que genre, elle doit vraiment, tu sais, vraiment le mettre en évidence. Ouais. Genre, oh là là, je m'étire et tout. Mais ça fait 5 fois que tu te dis, ouais, ah, mais t'as un et QR surtout, code. Oh là là. Quel truc relou d'avoir toujours quelqu'un qui fait ça vers toi pour avoir. Ouais, ça m'arrive tout le temps. Oui, toi, déjà. C'est ton quotidien, mais parce que t'es une nouvelle star. Elle doit vraiment faire. Excuse-moi, je vois que tu regardes mon QR code, non? Peut-être tu veux le scanner, non? Vas-y, scanne-le. Non, mais franchement, ça me dérange pas que tu le scannes. Fais-le! Okay, et là, il y a YouTube qui se lance, genre, bon, il y a une pub. Le mec fait, ouais. Là, il y a une pub, et une deuxième pub, bah, j'ai pas mais j'ai vu le titre, c'est. Ouais, c'est Rick Astley, d'accord, trop. Je la connais, ouais, pas mal, c'est bien, ouais. Elle fait, hey, je t'ai eu! Ouais, bien vu. Bien vu. Bah voilà, ça a coûté quand même 200 livres ce tatouage, alors qu'il est apparemment pas si énorme pour un tatouage. Riche. Ouais. En plus, c'est moche, quoi. Bah c'est ça, c'est pas très joli. Et les goûts et les couleurs. C'est vrai. Mais moi, c'est je ton podcast, c'est ton nouveau podcast, ça, le oui. Goût et les goûts et les couleurs. C'est sponsorisé par Philosophy Magazine d'ailleurs. Ah mais moi je le ferais pour à la limite pour un truc pratique quoi. Genre on te scanne et il y a toutes tes infos, ton groupe ne sanguin. Ne mets pas ton billet SNCF parce que faut aller vite pour le foutre sur le ils truc. Ils prennent 20 balles à chaque non, mais fois. Tu vois un truc d'urgence, t'as ton numéro de quelqu'un à appeler, ton groupe sanguin et tout, c'est pratique. Toi, tu mettrais tes clés dans ton avant-bras là. Tu sais, il y a des gens, ils veulent se faire mettre une puce avec leurs clés. Oui. Bah moi déjà, je rêve d'avoir une serrure Bluetooth chez moi. Ah oui, d'accord. Genre, voilà. tu passes ton téléphone et tu rentres. T'as une appli, tu fais plut et ça. Mais ça doit exister. Non oui, ça existe. Pour les hôtels, maintenant, il y a ça. Ouais. Les hôtels, si, parce qu'il y a quand même une vraie clé. Mais genre, si t'oublies tes clés, bah t'as quand même ton téléphone. Ah oui, t'as une double. D'accord. Oui, tu peux comme quand même... tu vas payer la SNCF avec ta carte bleue, c'est par ça, exemple. C'est ça. Ça existe, c'est juste que c'est une galère à installer. Ils font ça pour les bagnoles, j'ai vu. Les bagnoles, t'as ça, tu peux l'ouvrir avec ton téléphone. Les Tesla, notamment. Les Tesla. Et je te dis, là, je suis allé quand j'étais à Amsterdam. Tu peux les router même à distance. Oui, c'est génial. Et quand je suis allé à Amsterdam, tu fais ton checking en ligne et t'as ta carte sur ton téléphone. Et du coup, tu passes pas par l'accueil, tu vas directement à ta chambre avec le téléphone. Génial ça. C'est le futur ça et ou quoi? Et tu parles à personne. Personne. Personne du tout. Mon rêve en vrai. Bah ouais, j'aime plutôt bien. Dans ta capsule japonaise là, tu sais, comment ça s'appelle les... Ah oui, c'est ça. Les... Comment quoi, hôtel capsule non? C'est pas ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, en fait, mais ouais. Non, la chanson, c'est pas ça, c'est Hôtel California. Confondez. Tokyo Hotel, mais. Que va-t-il se passer le 23 juin 2024 à Paname. La fête de la musique, mais un Gémeaux va fêter son anniversaire. Peut-être. Oh là là. C'est pas ce que je vous cherche. Il doit être vraiment exigeant. Je pense s'il est Gémeaux. Non, ça se passe à Paris en tout cas. Que à le Paris. 23 juin. 23 juin 2024. Une inauguration de quelque chose. Mais c'est pas les JO. D'une certaine manière. C'est pas les JO. C'est les JO, mais c'est en rapport avec les JO. C'est pas l'ouverture des JO. C'est Aya qui va chanter. Non, Aya ne chantera pas. D'ailleurs, est-ce que je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un coup de. Que ça jamais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas arriver. C'est hyper raciste que tu Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ça a jamais été confirmé ni par elle, ni par Macron, quoi. Ah bon ? Bah non, c'était une rumeur qui disait qu'elle chantait les Edith Piaf, et les fachman, les fachos, sont partis très vite sur ce truc-là. Je crois que pour l'instant, ça n'est pas confirmé. Mais il y a quand même un monde. Si c'est pas une espèce de. Quelqu'un aurait quand même démenti depuis. Oui, mais non, parce que t'as pas envie de démentir non plus en disant. Non, mais quelqu'un qui sait, quoi. Non, mais parce que je pense que. Ce serait logique qu'elle chante au JO, en vrai, de vrai, tu vois, c'est une des plus grandes albums. Je dis pas. Non, mais je sais. Parce que nous, avec Pauline, ce matin, on était à une émission télé et dans la loge d'à côté, il y avait une vedette. Marion Maréchal. Marion Maréchal Le Pen. Mais donc, pour faire la même émission que vous, là ? Ouais, bah on a fait un petit débat là. Non, mais pour de vrai, elle fait le podcast la semaine prochaine. En fait, on était à côté. Donc, on a fait une émission sur Canal Plus. Qui s'appelle Faut voir. Antoine Decaune. Et en fait, à côté de nous, il y avait les loges des participants à Touche pas à mon poste. Ouais, Touche pas à mon poste, une émission de CNews. Et donc, il y avait Marion Maréchal. C'est vrai qu'il l'invitait à parler ciné, tout. Et on est passé devant Marion Maréchal Le Pen. Et son staff, il m'a dit bonjour. Et j'ai pas répondu. Waouh ! Et tu lui as dit, eh ben. Et Aya, vous en pensez quoi, vous La raciste, là. Non, mais ouais, t'as elle dit, était. Y a pas moyen que je vous dise bonjour. Bonjour, Marion Maréchal Le Pen. Elle a appelé sa sécurité tout de suite. Elle a dit, je t'en fais une clé de bras. T'es qui, en fait? Non, mais Mais oui, non, en fait, c'est ce truc de. Elle chante Edith Piaf. Je ne l'ai vu annoncer nulle part. C'est, donc, du coup, okay, forcément, ils sont partis en mode. Mais je me demande à quel point c'est pas une espèce de nuage de fumée pour un peu. Ça fait un super buzz en tout cas. Des grosses merdes. Tout ça, on peut le rappeler. Les gens qui l'attaquent et les gens qui en commentaire disent personnellement, je déteste sa musique, mais je suis contre le racisme. T'es en mode ta gueule aussi, je pense. Vraiment, tu sers à rien. C'est pas trop chiant. C'est pas du tout le débat. C'est le débat n'est absolument. Mais il y a une meuf qui a dit ça d'ailleurs sur un plateau et qui avait évidemment raison. Elle dit non, mais arrêtez de faire genre que le débat c'est. Vous aimez sa musique ou non? Après, je l'avais dit avant et je pense que cette meuf est allée le dire devant tout le monde. Non, mais qui dit, vous êtes Jean Messia. Vous n'êtes pas sur un plateau pour dire, alors, vous aimez sa musique? Ah, mais oui, j'ai vu. Bien sûr que non, c'est pas ça le débat. Le débat, il est évidemment politique. Sinon, on appelle André Manoukian, tu vois. Et Philippe Manoeuvre qui fait, mais moi, j'adore! Je trouve ça génial! Je pense pas qu'il aime Aya Nakamura. Tu penses? Tu crois? Je pense que tout ce qui est une personne qui est pas un vieux homme qui met un blouson en cuir, il Je pense qu'il aurait préféré Damien 16, je pense. Oui, c'est ça. Je l'ai vu dans une émission qui parlait de l'autotune sur Arte. Ça a tué la musique. Et où il était vraiment anti-autotune et j'étais en mode. C'est étonnant ça. Trop chiant. Quoi. Non, lui il préfère quand ça joue de la gratte. Ouais, voilà, et que ça pue un peu le whisky. C'est ce que les gens disaient sur la guitare saturée à l'époque. Bien sûr. De la musique que lui il adore quoi. Exactement. Ouh, merci. Tu l'as mouché. Merci. Ouais. Une belle manœuvre pour lui faire fermer son. J'allais dire, il va falloir faire une belle manœuvre pour se sortir de cette attaque. J'allais dire, c'est un peu un truc de Donjons et Dragons en plus. Bah t'as fait un 6 là. Oh là, arrête avec les 6, ça jette des 20. Je comprends rien quand vous faites cette blague. Donc que va-t-il se passer le 23 juin 2024? Ça a un lien effectivement avec les JO. Mais c'est fait que à Paris. Ils vont virer tous les étudiants. Non. Les métros vont être gratuits. Non. Un truc avec la Seine. Oh. Ah, je suis hyper forte à suivre. Mais t'es trop forte. C'est la bonne réponse quasiment. Ils vont. On va se baigner dans la Seine. On va se baigner dans la Seine. Macron va se baigner dans la Seine. Alors peut-être, mais c'est pas lui sûr. Lui, c'est pas sûr. Hidalgo. Anne Hidalgo va plonger dans la Seine. Ah, il y a une date et tout. Mais c'est super gênant. Mais moi, j'espère que ça va être vraiment genre avec un. Ils vont installer un plongeoir très haut, quoi. Moi, j'ai l'image. 5 mètres, elle va faire un salto. C'est ça. Moi, j'ai l'image de l'émission Splash. Splash. Voilà. J'espère qu'il y aura même un juré qui notera son. Elle sera. Parce que j'imagine déjà que si elle est en baillot de bain, elle va se faire défoncer sur son corps, genre ça. Ah c'est une femme, elle est vieille, donc peut-être qu'elle aura une combinaison de plongée. Peut-être qu'elle descend, tu sais, comme même en arrière de plongée, hein, c'est hyper moulant donc ça changera rien. Bah en vrai c'est mieux qu'on voit pas ton corps pas pour les haters. En hommage aux Jeux Olympiques de 1900, ça n'empêchera pas ça que je veux dire. Ok, monsieur, j'ai raison sur le corps des femmes. En hommage aux Jeux Olympiques de 1900, sur les vêtements en plus, là, en l'occurrence. Certaines épreuves nautiques des JO de Paris 2024 auront lieu directement dans la Seine, dépolluées pour l'occasion. Pour montrer l'exemple, sympa impossible. Qu'ils fassent pas avant. Ouais. Après, on a enlevé les corps juste pour Anne. Il y a 2-3 vélib encore, mais Pour montrer l'exemple, Anne Hidalgo, la maire de la capitale, avait indiqué vouloir se baigner dans le fleuve. Dans un entretien accordé à Reuters, elle a évoqué la date du 23 juin, journée olympique, pour effectuer ce premier plongeon, relaie le Parisien. Je suis en train de préparer ce moment qui sera historique et je ne serai pas toute seule, a-t-elle expliqué à l'agence de presse, devançant le premier créneau initialement prévu en juillet. Parmi les personnes qui devraient l'accompagner, on retrouve Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO, ou encore les pompiers de Paris, des membres de l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle et des sportifs. D'autres personnalités devraient piquer une tête. Le préfet de Paris a confirmé son intention de vouloir se baigner. Et même à l'époque, Emmanuel Macron avait émis ce souhait. Pitié, mais est-ce qu'on a envie de voir Emmanuel Macron en maillot de bain, un slip, hein. En speedo? Oui, se baigner dans la Seine, j'ai un peu envie, parce que c'est immonde. J'ai envie qu'il le fasse. Mais pourquoi tout le monde dit ça? Chirac avait dit ça déjà. Je vais me baigner dans la Seine. Crac, crac. Non, il avait dit ça. Non, mais oui, il avait dit plouf plouf. Il avait dit à telle année, je me baignerai dans la Seine. Il l'a jamais fait. Bah, il est trop mort. Mais surtout que. Non, on s'en fout de se baigner dans des fleuves. Enfin, personne se baigne dans des fleuves en France. Tu peux te baigner dans le Rhône. Bah, ils sont tous immondes en fait. C'est ça. Oui, mais c'est un courant d'eau, quoi. Oui, mais c'est un enjeu écologique, quoi. Bien de sûr. Dire, bah moi je vais assainir le truc et je vais me baigner dedans. C'était ça, Chirac. Ouais, c'est ça. Mais reste à s'assurer que les travaux de dépollution, qui ont représenté quand même un coût de 1,4 milliard d'euros, seront terminés à temps. Mais apparemment, une priorité. 75% du chantier aurait été effectué alors que l'objectif était fixé à 66% dans le plan de 2020. Donc c'est une grande réussite. Mais surtout, enfin, ils vont dépolluer dans une semaine, elle sera redégueulasse, quoi. Je sais pas. Apparemment, non. L'idée, il devrait être possible de se baigner dans la Seine 2 jours sur 3 en moyenne l'été. C'est ce que disent. Peut-être cas, Anne Hidalgo va se baigner 2 jours sur 3 pour montrer à chaque fois. Comment ça, 2 jours Eh, sur je suis là. Hein, elle est bonne. Venez. Bah, c'est pour pas que ça repollue. En fait, si tout le monde se baigne dedans, les gens vont faire de la merde. C'est bizarre de dire 2 jours sur 3. Est-ce que tu dis un nombre de jours par semaine? Oui, c'est bizarre de dire 2 jours sur 3. Écoute, moi je te liste. C'est comme ce si tu avais un tampon. Tampon et puis. Ah bah non, vous êtes déjà baigné 2 fois là. Tu pisserais dans la Seine, toi, Pauline? Bien sûr. Mais évidemment. C'est une chanson de Damien Seize également. Hein. J'irais pisser dans la Seine. C'est plus la Seine qui te pisse dessus, je pense. Mais ça, vous pourriez avoir envie, vous, de piquer une tête là-dedans? Non. Moi, je vois pas le délire en plus. Je vois pas ça le... me fait peur de pas voir le fond. Là. Ouais, c'est, vrai. C'est ça. Du goudron, quoi. C'est immonde. Ouais, puis le fond, il doit y avoir. Puis moi, l'histoire de la Seine. Quand tu dis décor, oui, il doit y c'est en ça, avoir. C'est ça, l'histoire de la Seine, elle est horrible. Ouais. Il y a eu des meurtres, des suicides. Enfin, c'est. Voilà, l'histoire, elle est atroce au niveau de la Seine. Moi, je pense qu'il y a de meilleures eaux pour se baigner quand même. Franchement, l'Aqua Boulevard. Pourquoi ne pas faire un petit qui doit être immonde, hein, également en termes de pisse. Mais horrible. Au moins, il n'y a pas une histoire. Moi, c'est ça que je veux dire. Il oui, n'y oui, a oui. pas un truc dégueu. Mais déjà, quand, l'été, quand il y a Paris plage, dans le canal de l'Ourcq, tu peux te baigner. Ils font des espèces de piscines. Ah ouais. Ouais, ah. Ouais. En tout cas, t'as des gens bourrés qui y vont, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Non, mais il y a des trucs vraiment faits pour où ils filtrent. C'est quoi le je vais manger ton gâteau. C'est quoi le gros truc de déglingo que vous ayez fait? Oula. Mais dans quel sens? Un peu rebelle, un peu foufou, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà plongé dans la Seine comme des rebelles. Ah. Carlito, pour ne pas le nommer, l'avait fait à l'époque. C'est vrai, en sautant d'un pont. Voilà. Est-ce que vous pourriez faire des. Mais moi, c'est marrant, quand elle a dit je plongerai dans la Seine, Anne Hidalgo, je vois qu'un plongeon dans un pont. Alors que c'est sûr que non. Elle va sauter de là où elle est, tu vois. Non, mais elle va... je rêve qu'elle soit alors, au pont, au sommet du pont Alexandre III. Genre, allez, c'est parti. Mais moi, j'adorerais. Elle fasse un salto et tout. Vraiment. Mais c'est mon rêve. Non, mais moi, j'adorerais qu'elle fasse une bombe. Un truc où, tu sais, elle est filmée et genre, elle se met au bord et après, elle prend 3 pas de recul et après, c'est un cascadeur qui prend sa place et qui fait un truc ultra stylé. Et qui fait 2 mètres de haut. Et après elle pousse le truc, elle fait bah vous savez quoi, je la bois à l'eau. Et je peux la boire maintenant, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai rien à foutre, j'ai chié dedans juste avant. Hyper bon le gâteau. Ah. En fait on dirait les bars Nesquik mais en sang. Tu vois les bars Nesquik En ça. En ça bien sûr. Camille, le truc tard le plus foufou que t'as fait. Ça date de tard l'époque. Je pense que c'est voler une étagère Kallax à Ikea. Oh, c'est ouais, exactement. Attends, mais c'est Ikea, énorme, c'est... non ouais, mais comment c'est. Ouais. C'est puis surtout, comment j'avais tu fais un diable. En fait, non, je l'ai juste. Il y a des caisses libre-service à IKEA, je l'ai juste pas scanné. Et en fait, le vigile m'a arrêté pour vérifier mon ticket de caisse. Je suis du cul, évidemment. Et en fait, comme c'est que des noms à la con. Oui, c'est pas les. Le mec, c'est pas les. Dis bon, bah oui, c'est bon. Putain, mais on donne tellement de tips aux criminels dans cet épisode. Déjà, mettez des bombes dans des bananes. Participez à Tout le monde veut prendre sa place. Voilà. Après, je me demande si c'est pas ça qui l'a mené à sa perte. Ah, tu je penses me... Bah, on m'a dit ça, mais il avait trop envie de jouer. Ouais, il c'est dit, ça. Mais c'est trop un joueur. Bah, ouais, il adore player. Les jeux comme moi. C'est votre seul point commun, on peut le dire. J'ose espérer, oui. Ah ouais, voler un meuble. Oui, est-ce que c'est au moins 100 balles, un truc comme ça? Ouais, je crois que c'était 150. Ah ouais, pas me vanter. Pas mal, pas mal. Putain. Criminel. Pauline? Ouais, mais après bah, ça, attends, après un truc aussi. Ouais, non, je vous demande pas de dégaler la dinguerie de ce que vient de faire Camille, mais. Je pense que j'ai dû faire des trucs de fou quand j'étais bourrée. mais ouais. Du coup je m'en souviens pas. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, bien sûr. Et en plus maintenant j'essaye d'arrêter de boire au bout de deux verres, je m'arrête. Ah ouais. Donc du coup je suis plus marrante. Pour quelle raison? Si marrante que pour ça. Quelle raison? Parce qu'il y a pas si longtemps j'ai bu énormément et ça a été une catastrophe. J'ai l'impression que tu dis ça à chaque épisode par ouais. contre. Ouais. Alors avant je rigolais et maintenant je sens que je suis passée à un stade où vraiment ça m'est arrivé deux fois. L'année dernière j'ai vraiment fait un, je suis allée voir un concert et le lendemain j'ai dit à mon copain de l'époque putain c'est trop con qu'on ait raté ce groupe, j'adore, et il m'a dit on était au premier rang pendant une heure et demie. T'as mis une patate à Angèle, malheureusement. Là je me suis dit ça craint. Et là il y a genre un ou deux mois j'ai pas vu, j'ai bu et en fait après j'ai vomi pendant trois jours. Mais juste après. Ah ouais, et je me suis dit mais là c'est pas possible. Même, hein. Je me suis pas pissé dessus mais franchement j'avais bien honte. Et en plus j'ai dit à une meuf que j'ai vue il y a pas longtemps, November Ultra, parce que je connais que des stars. Je lui ai dit merci de m'avoir mis dans le taxi. Elle m'a dit c'est pas moi ma belle. Elle m'a dit c'est eux là-bas. Et j'étais là genre oh non. Mais c'est bien, il faut être un peu humilié par soi-même pour se dire là j'arrête. Et maintenant au bout de deux verres vraiment je me dis ça suffit. Et je vous le dis, moi qui ne bois pas, vous n'êtes pas moins fun quand vous n'avez pas bu, puisque même l'inverse. Votre vie, souvent. C'est ce que j'allais dire. C'est fun pour vous, pour les autres. Non, ouais. Vous à partir du vous moment chantez où fort et vous essayez d'imiter Garou et c'est relou. C'est ça. même quand vous le faites hyper bien. Oui, voilà. Comme moi, j'imagine. Mais un petit Garou en deux secondes. J'y suis. J'y suis. C'est que c'est gâteau là et tout chrétien, bah. Mais non, mais en tout cas voilà. Donc, mais aussi, tu rends compte quand tu diminues la boisson que t'avais l'habitude de boire. Que c'est pas si marrant de sortir, du coup tu sors plus. Ouais. Voilà. Je peux l'entendre. Oh. Mais surtout que moi j'ai pour côtoyer des gens qui de temps en temps boivent et ont eu des cuites ou des trucs comme ça. Il y a même le truc de des choses que t'imaginais pas de là j'ai mal au foie quoi, je suis juste pas bien. Enfin tu vois c'est qu'ils sont même pas des trucs de oh je suis en gueule d'hub, oh j'ai dégueulé, c'est juste là je suis malade. Très malade. Et puis tes journées sont gâchées. Après moi j'ai eu vraiment des moments où même les lendemains où je rigolais toute la journée et machin et tout, ou mais c'est le surlendemain où t'as quand même une redescente. Mais c'est un truc d'âge, j'ai l'impression, quand j'ai vieilli le corps encaisse moins moi, bien. Moi je pense que là c'est fini pour moi, deux bières j'ai hyper mal au crâne. C'est ciao pour citer. Adrien, le truc le plus déglingo que t'as fait outre le fait de prendre un train avec qu'une d'avance au moment du départ et ne pas manger un midi. Il va manger. Ça j'ai jamais fait, hein. Ouais. Impossible, sauter un repas. Franchement je sais pas, j'ai pas non, j'ai rien fait de j'ai rien qui me vient. Une réponse. Tu regardes pas les réponses toi? Ah non, j'étais malade ou quoi? Oh la menteuse, la tricheuse, la menteuse, elle est amoureuse, puis j'attriche. Alors une réponse ténag. Donc je ne sais pas ce que c'est. J'ai rien compris à ce que une raie pasténague, l'animal, la raie. On appelle ça une raie pasténague nommée Charlotte est tombée enceinte. Et c'est étrange car elle est la seule femelle présente dans l'aquarium. À votre avis, que s'est-il passé? Bah si c'est la seule femelle, il y a rien, il y a pas de mystère du tout. Il y a quelqu'un qui a mis du sperme de raie dans un aquarium. Alors ce n'est pas ça. C'est quoi, si c'est la seule femelle, il y a aucun mystère. C'est quoi? Bah c'est que tous les autres c'est des mâles et ils l'ont fécondé. Et... Pardon, oui. Il y a que des femelles dans l'aquarium, tu veux dire? C'est ça. Il y a pas de mâles. Il y a pas de mâles. Mais t'imagines les blagues? Étrangle-moi jusqu'à ce que je crève, bordel. C'est un truc comme Jurassic Park où genre ils peuvent se faire des changer de sexe. Hermaphrodite? Non, c'est pas ça. Ils ont bouché les trous d'ADN avec l'ADN de grenouille. Ouais, non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ils ont pas un alors il y a de... deux hypothèses déjà, je vais vous le dire. Ah mais on sait pas en fait. Non mais je vous le dis, il y a deux. Ah non, on n'est pas sûr. Et en fait c'est quand elle accouchera qu'on saura. Mais pour le moment il y a deux hypothèses. La première, je peux vous la donner, elle est très dure. Elle se serait fécondée toute seule. C'est un cas très rare de parthénogénèse où les œufs se développent par eux-mêmes sans fécondation et deviennent des clones de leur mère. C'est déjà arrivé près de 14 fois à l'aquarium de Hendersonville pour leur requin bambou femelle. Voilà. C'est la chanson Elle a fait un bébé toute seule. De Jean-Jacques Goldman, bien sûr. C'était à la base, c'était elle a la Ray, mais elle a fait un bébé toute seule. La Ray Paddington, là. C'est une chanson de Ray Charles à la base. La Ray, non, c'est la Ray. T'as pas assumé. Non, mais j'étais très content qu'elle soit passée sous le radar. Elle a mis malheureusement un énorme projecteur dessus. Donc, oui, non, ce n'est pas, elle n'a pas fait un bébé toute seule, à la manière de la copine de Jean-Jacques Goldman. Non, parce que je repensais à des paroles d'une de cette chanson où à un moment il dit un peu comme un grand frère, un peu incestueux. Terrible. Il a gâché vraiment la chanson. Le concept de un peu incestueux est vraiment dégueulasse. C'est incestueux ou pas? Tout tu peux vraiment. T'inquiète pas. Franchement, c'est juste en dessous de la limite tolérable de l'inceste. C'est cool. c'est, ça fait écho pour moi aux paroles de Diams où elle décrit son mec parfait. Elle dit un peu de mon ex mélangé à mon père. C'est quand même en dessous de. On va faire un peu incestueux. Mais quand même, c'est des choix étranges. Ouais. Surtout que moi, c'est ma phobie, mon ex et mon père réunis. C'est genre. Évidemment. Est-ce que c'est. Oula, oui. Le quarterback des Rays qui a grimpé par la fenêtre de l'aquarium pour aller dans l'aquarium des filles. Ça, la qu'est-ce qu'il raconte, le quarterback? Non, elle a vraiment été fécondée sans Rays. Sans Rays. Ouais. J'ai aucune idée, genre. Alors, c'est un vrai mystère, hein. Vous c'est vrai mystérieux. Ouais, j'allais le dire. Mais peut-être je vous ai dit qu'il n'y avait pas de Rays mâle. Elle mais change... y a Rayman, le y a jeu Rayman. Vidéo, en revanche. Mais est-ce qu'elles changent, est-ce qu'ils peuvent changer de sexe non. comme les, c'est quoi? Non. Il y a un animal qui change est-ce de que sexe. Bah, les fingos, par exemple. C'est l'hippocampe qui l'a fécondé. Non, non, un humain n'a pas fécondé. C'est mais tu... le hélas, l'escargot. Hélas, tu t'approches. Une autre espèce. Est-ce que c'est un humain qui l'aurait fécondé? Non, c'est ce qu'elle a demandé, mais ce n'est pas un humain. Aucun humain n'a baisé Dray, si je peux vous donner la... Docteur Dray? Non. Vous avez ils l'ont amené chez le docteur de Dray pour, ouais, pour voir. Vous avez c'est pour trop le sculpter. Mignon. Une petite éco-gray RFI. Ah là, elle a dégueulé par contre. Une IRRM. Oh. Allez, c'est trop. J'en cherche encore. Ouais. Mais effectivement, elle a été fécondée par autre chose qu'une Dray. C'est qui chante ça? De Palmas. Ah oui, De Palmas. J'arrive jamais à dire son nom. Ah ouais? Bah, je pense que je me trompe, j'ai dit genre Gérard de oui, Palmas. Oui, moi j'ai souvent appelé Gérard de Palmas. Plein de problèmes. Non, c'est, c'est à cause de deux par deux. C'est Gérald. C'est Gérard. Oh là là. C'est réel. Allez. Non mais ça elle a été... pas. Ah bah j'adore. Elle a été fécondée effectivement par une autre espèce. Je voudrais qu'on arrête. Soyons raisonnables. Adrien. Je me dégoûte. Colline de Tarragon. Arrêtons maintenant. C'est trop même pour moi. Non, et donc il y a eu quand même l'intervention d'un autre animal. C'est ça. Un requin. Et très bonne réponse. C'est pas vrai. Mais Camille, il y a toutes les bonnes mais réponses non, depuis mais là, le début, je sais pas. Mais là, tu commences à me faire peur dans ta zébrerie. Mais c'est un seul requin ou un gang de requins? Un seul. Okay. J'ai trop envie de revoir le film. Aussi d'ailleurs une chanson de elle a baisé un requin toute seule. Il est possible que Charlotte se soit accouplée avec un jeune requin. À la mi-juillet 2023, nous avons placé deux requins bambous mâles âgés d'un an dans cet aquarium. Oui, le requin bambou. Le requin bambou, bah ouais. Qui était mon surnom d'ailleurs quand je faisais du hip-hop. Nous avons commencé à remarquer des marques de morsures sur Charlotte. Et oui, le requin bambou est violent quand il fait l'amour. Bah oui, c'est ça. Mais nous avons vu d'autres poissons s'en prendre à elle. Alors nous avons déplacé les poissons, mais les morsures ont continué, explique à ABC Brenda Rammer, directrice exécutive de la team Echo. Comme Echo le dauphin, est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. Le suspense est à son comble, ça on peut le dire. Et donc à la naissance des petits, on saura. Est-ce que si c'est des raies, pour le moment c'est pas raies requin, un requin, et ce serait une sorte de c'est de trop race mignon, mixte. Non? Par contre, imaginez. Pas mignon, ou assez terrifiant. Un requin mais tout plat quoi. Bah c'est ça. Avec quand même une. En fait, moi je vois une raie avec juste des dents de requin, donc c'est assez flippant. C'est hyper mignon. On peut pas savoir. Qu'est-ce qui va disparaître en janvier 2033? Ce sera la dernière question avant de passer aux recommandations. Pardon, personne n'a écouté, évidemment. Bien sûr, plein qu'est-ce qui va disparaître en janvier 2033? Janvier 2033, qu'est-ce qui va disparaître? 33. Est-ce que dans 10 ans. Est-ce que c'est un objet? Dans 10 ans. Un objet. C'est un objet. Le pass Navigo. Pas le pass Navigo. Ah, genre un truc comme les pailles en plastique, un truc comme ça. Alors, c'est pas un truc à but écologique, non. Okay. Ah, ok. Mais c'est un truc qui va être remplacé par une autre technologie plus récente? Oui, alors je n'utiliserai pas le terme technologie, mais effectivement quelque chose de plus récent. C'est un truc que, genre, on voit au quotidien, mais dont on se sert plus? Alors, on s'en sert, pas tout le monde l'utilise au à la quotidien, maison mais une grande partie du monde. Le pas, téléphone fixe! Pas le téléphone fixe. Très bonne idée, cela dit. Ouais, il faut que je me cela calme, dit, ça contre. Fait longtemps que j'ai pas vu un téléphone fixe en moi, vente. Moi, j'en ai ouais, un chez fin... moi. Ah, mais tu sais, pour un vintage un peu. Ah, qui oui. est pas branché. Ah oui, ah, en, oui déco. En déco. Ça compte pas. Bah, ça compte ça pas ça. Cela dit, tu peux peut-être le brancher parce que souvent quand tu. Oui, il fait un prends... bruit horrible. Et... Ah, ok, oui. C'est j'ai ça. Débranché, j'ai tiré sur le fil, j'ai dit, c'est et les gens, ils m'ont dit, t'es Adrien Méniel ou quoi? Non, t'es Helmut Fritz, visiblement. Oui, plutôt. J'ai entendu Moule Fritz. Helmut. C'était le jeu de mots. C'est pour ça qu'il s'appelait Helmut Fritz, je pense, non? Bah ah, oui, bien sûr. Oui, je viens de comprendre. Les moules frites, bien sûr. Ouais, ouais. Je pense. Hein, oh. Oui. Vous vous souvenez, il avait fait un comeback avec le Covid. Ouais. Ça a pas il a pris dit le ouf. Covid, ça m'énerve. C'est littéralement ouais. Un peu comme Renault. Mais... Lui... Les gens ont dit oui. Bah, Renault et Goldman. J'avais bien aimé, fait... moi. Ah, ouais. Le comeback, bah, c'est la même chanson. Mais c'est vrai qu'il était revenu aussi, Goldman. Ils sont tous revenus pour le Covid. Il avait chanté pour les infirmières, c'est ça? C'est ça. C'était une infirmière. C'est ça. Une petite infirmière qui fait des trucs pour le Covid. C'est super. Non, je... Attends, j'ai un sans deck, t'es en impro. T'as pas écrit ça en avant pour ça, c'est pas tellement mieux, malheureusement. Hein. Non, quelque chose qui. Quelque chose qu'on utilise dans les transports en commun? Non. C'est un mais dans les transports. Moi, je l'utilise, par exemple. Toi, tu l'utilises. Vous deux, je ne sais pas si vous l'utilisez. Le masque? Non. Les toilettes? Non. Non, toi, t'as pas besoin de toilettes, effectivement, tu l'utilises pas, tu te pisses dessus. Moi, je pisse dans le siège. Le siège à rayures, là? Attends, dans le train, par exemple? Non, pas dans le train. Dans le métro? Pas dans le métro. Bah, attends. L'avion? Dans le taxi? Pas dans l'avion. C'est pas un transport en commun, j'ai dit que c'était un transport. Ah, en voiture donc? Ah, t'as dit que c'était un transport. En GPS? Bah non. Pas GPS. Le klaxon. Tu l'as dit, ouais, pareil, qui utilise un GPS aujourd'hui? J'adorerais qu'on interdise le klaxon. Tu veux dire, au lieu de son téléphone, le téléphone ou même des fois, tu sais, il y a les écrans sur les voitures récentes. Oui, bah, c'est à un la GPS, les autoradios. Oui, mais tu vois, pas un TomTom. Ah, dans oui, la d'accord. marque TomTom, t'imagines, elle doit se dire, mais ça y est, c'est comme l'agenda électronique à l'époque, c'est fini pour TomTom. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Il se réinvente. Bah, peut-être qu'ils injectent leur technologie dans la voiture. Je vais regarder, ça m'intéresse. Ils apportent leur savoir-faire, peut-être. Ouais. Ah. T'as dit quoi, Pauline? Plus de boîte à gants. Non, il y a des boîtes à gants. Alors, sinon, c'est 300 euros d'amende. Est-ce que c'est un objet ou pas? Oui. C'est. Ah, attends, L'allume-cigare. C'est pas le truc pour le. Ah, les pédales. Le péage, non. Là, c'est pas le télépéage. Non, voiture, les portières. Oh, d'ailleurs, j'en ai parlé dans un autre podcast et les gens n'étaient pas d'accord avec moi. Je n'aime pas les coffres automatiques. Tu sais, les coffres, maintenant, tu les claques plus, tu dois appuyer sur un bouton et le truc se ferme. Oui. Et ben, j'aime pas et du si tout. Et si tu commences à le fermer, le mec, il te hurle dessus. Non, mais ouais. Grave. La voiture te hurle dessus. Ouais. Ouais, bien sûr. Et en plus, il y a un truc assez. K2000. Et c'est assez énorme parce que c'est très lent et il suffit que t'aies genre un peu de volume. Le coffre fait. Mais non, désolé, je me ferme pas là, il y a trop de volume. Alors qu'avant. Tu forçais un peu, ça rentrait, tu vois. Ouais, on s'attachait pas dans les voitures. On pouvait fumer dans les avions. C'est des coffres de woke, ça. Ça, c'est les coffres des woke. Non, mais, et même, ce qui m'énerve, c'est que, par exemple, imagine, je vous le fais en deux-deux. Moi, je n'ai Dieu que pour la pluie qui va nous tomber dessus parce que t'as refusé qu'on prenne un taxi. C'est tout ce que je vois, là. T'es en voiture. Ouais. Tu veux. Tu t'emmènes quelqu'un chez lui et il descend de ta voiture et tu dis, bah, j'ai mes valises dans le coffre. Et ben, avec les coffres comme ça, tu dois couper le contact. Ah bon? Il y a une sécurité qui fait que le coffre ne peut pas s'ouvrir. C'est pas si grave pas après. Mal. Ça me rend foudrage. Oui, bah, je comprends. Ça me rend foudrage. Mais c'est aussi les Tesla. Moi, je suis encore très impressionnée quand je vois une Tesla. Mais par contre, l'autre fois, je me suis tapé la honte parce que j'ai voulu genre juste ouvrir ou fermer la porte, je sais plus, et j'arrivais pas. Ah oui, parce qu'il faut appuyer sur le. Et le man, il était mort de rire. Je te la ça va, toi, ça avec va, ta bourgeois. Voiture iPad. Bourgeois. Mais non, mais c'est vrai. Et en plus, oui, et ça m'énerve sur les. Parce que les coffres automatiques, c'est pas un truc de Tesla, hein. C'est dans beaucoup de voitures maintenant. Oui, oui. C'est dans ce cas-là, bah, faites ça aussi pour les portières. Pourquoi faire que le coffre? C'est ridicule. De toute façon, tu dois faire le geste de claquer des trucs. Bon, voilà, c'était un petit. C'est un coup de gueule ouais, que non, je voulais passer. Faut en parler. Il est passé et je me sens mieux. Et je me sens mieux. C'était salutaire. Voilà, parce que tout le monde. Voilà. On est de retour dans l'after foot. C'est bon. Je vous ai laissé parler. Merci de m'avoir laissé parler. Donc on n'a pas la réponse. C'est pas un objet vraiment. Enfin, c'est un objet, mais ça tient dans le portefeuille, par exemple. La clé. Pas la clé. Mais c'est le ticket de métro. Pas le ticket. Non, c'est en voiture. C'est en voiture. Ah, c'est en voiture, mais j'ai pas suivi en fait. Je me rends compte. Mais vous n'êtes pas Canenavo. Bah non, que Camille, pas du tout. Ah, c'est pas les permis, la carte grise. Le permis de conduire rose. Il a mis son doigt à 5 cm de mon dieu. Ah oui, ça va être une petite carte comme une aux States. Une carte mignonne. Comme aux States. Mais je la veux trop, moi. Ce qui est déjà un peu le cas. Je veux trop le permis, juste. Mais moi, j'ai le permis. Vous avez pas le permis, les deux? Si. Ah, si. Mais moi, j'ai le rose. Oui, c'est je veux ça. Celui qui est plastifié. Bah, moi, je l'avais perdu, le mien, et du coup, j'ai le plastifié déjà. Et maintenant, à partir de 2033, tu seras obligé de le changer. Oh là là. Pour obtenir un nouveau permis, il faut se rendre sur le site de l'ANTS. C'est pas écolo, ça. Après avoir fourni l'ensemble des pièces justificatives dont une photo, le service est gratuit. Avant 2033, il n'y aura donc aucune obligation de changer votre permis de conduire contre le nouveau, plus pratique car au format carte bleue est moins fragile. J'ose espérer que les pièces justificatives c'est ton permis et c'est tout quoi. Bah, non. Oh, tu sais avec l'administration française. Surtout ils vont jamais absorber le nombre de demandes qu'il va y avoir et tu vas mettre 10 ans à l'avoir. Non, mais ça m'énerve. Est-ce que vous pensez que ça existe vraiment ça, les phobies administratives ou pas pour vous? Ah moi ça existe. Mais pour moi on a tous ça. Oui d'accord. Oui genre non, bah, on en parlait la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Sébastien Chassagne, pour ne pas le nommer, aime bien ça. Tu vois, lui il aime bien. Ouais, ça lui permet de faire du tri, de voilà, ça le. Ça mais je pense que c'est plus lui qui est à part que genre tout le reste. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ouais, bref. Ouais. Et alors, quel que soit le type de permis, s'il est déchiré au niveau du pli ou s'il est en mauvais état, il n'est pas valable. Ça, je savais pas parce que moi, mon permis rouge, il était dégueulasse, il était brûlé de partout. Juste pour rebondir, c'est juste tu dis, enfin, phobie, c'est pas juste ne pas aimer, quoi. Parce que tu vois, tu peux dire gens qui ont la phobie des rats, et tu vas dire bah personne n'aime les rats, tu vois. C'est bah, pas pareil. Le film Ratatouille, il prouve le contraire. Ouais. Mais, cela dit, non, parce que vraiment, il non, est détesté. Le restaurant ferme phobie, à la fin. Hein. Oui, puis il est obligé phobie, de se cacher. J'ai l'impression que c'est genre, tu peux même pas toucher le papier, tu vois. Alors que la plupart du temps, c'est juste des gens aussi qui ont un peu la flemme de faire leur compta, c'est comme vrai, tout le monde, et qui disent j'ai la phobie. Mais là, t'inventes. Non, je te promets. Bah non, mais tu dis j'ai l'impression que des gens font pas dans leur tête. Alors, ah, ça, oui. Cela dit, elle l'est dans leur tête. Je remets en question leur diag, en fait, c'est ça que je fais. Mais... Non, après, peut-être que le thème. Mais peut-être est je un me peu, trompe, mais oui, c'est ça. C'est comme quand genre, tu t'es fait larguer et tu dis je suis dépressif, c'est genre tu t'es fait larguer juste. Oui, oui, t'es triste, oui, quoi. T'es déprimé. Voilà. Juste triste. Je vois, je vois. Voilà, pour... c'est tout. Et comme quoi, on a trouvé un beau terrain d'entente. Oui, ouais. Faisons du baseball dessus. Pour défaut de... Par défaut de présentation du document, une amende de 11 euros devra être réglée. Pas si énorme, j'ai envie de dire, 11 euros d'amende. Ah, j'avais déjà oublié de quoi en parler. Mais le permis, si tu le changes pas, oui. Majoré à 38 euros par la suite, et si aucun permis de conduire valable n'est présenté, l'amende peut atteindre 135 euros, et le véhicule peut même être immobilisé. Ah, ça m'énerve déjà. T'aimes pas les injustices comme ça, administratives un peu? Bah ouais, ouais, les trucs où ils sont incapables de gérer les trucs, là, ça me rend dingue. Moi, je suis assez énervé dans le métro. J'aime pas le fait que, si tu peux payer tout de suite, c'est 20 balles. Et ouais, par contre, si tu peux pas... payer tout de suite, ça passe à 200 euros. Au nom pour de quoi, raison, en fait. Surtout, ouais, mais surtout, ça, souvent, ça condamne les gens qui n'ont déjà pas d'argent. Oui, moi, quand j'étais ça. Étudiant, bah, j'avais un plafond, j'avais pas de sous, donc forcément, je pouvais pas payer par carte directement, et donc c'était horrible, quoi. Je dis, bah, moi, je rêverais de payer maintenant. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est... En fait, on dirait une arnaque, en fait. C'est exactement. Bah, exactement. Oui, c'est ce que dirait quelqu'un qui est pas du tout contrôleur et qui veut arnaquer les gens. Le simple concept de frais d'administration... Souvent, alors d'ailleurs, s'il y a des fonctionnaires qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à envoyer des messages à Adrien. Bien sûr. J'aimerais vraiment comprendre ce truc parce que je vois pas ce que c'est. Pareil, récemment, je me suis fait flasher en louant une voiture. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai eu une majoration de l'agence de log de voiture parce qu'elle a dit bah, il a fallu qu'on vous transfère le mail, quoi. Je suis genre, bah. Oui, oui. Bon, après, les agences de location, ils non, mais, se mettent bien. Non, mais souvent, t'as des trucs comme ça. Si je peux dénoncer un truc. Ouais, bien sûr. Ils se mettent bien. Mais les trucs de contrôleur, je trouve que c'est la même chose. Il y a un truc de, allez là, c'est bon, quoi. Oui, enfin, oui, oui. Et pareil, j'ai déjà eu des mecs. Bon, après, moi, j'allais jusqu'à faire semblant de pleurer, carrément. Quand j'étais plus jeune, je prenais juste pas de billets de train. Je me disais, on verra. De train, carrément. Ouais, ouais, de train. Quand j'allais à Marseille ou quoi, et après, je faisais semblant de pleurer, j'étais en mode, perdu mon portefeuille. Ah oui, oui, moi ça j'ai fait aussi. Grosse menteuse. Mentir, j'ai fait. Il pleut. Mais cela dit, quand je grugeais, ça me revenait moins cher en vrai. Si t'es, parce que oui. Tu prends l'amende. Alors, si le billet du chien, nuit, toi, que je tips, sais pas si que tu. Que de tips. Moi je prends assez peu le billet de train du chien et, et elle dort sous le siège donc on la voit pas. Ah, oui, et oui. Parfois je me fais choper et je paye un montant mais qui est vraiment beaucoup plus faible que si je payais. C'est honteux. Alors, surtout, c'est honteux parce que il a pas de siège, l'animal. Kilos, ouais. Elle fait 3 kilos. Alors maintenant, c'est 7 euros, hein, je crois, pour les mais chiens. Mais c'était déjà 7 euros, c'est juste qu'il y a non, un non, truc. Non, avant, tu payais la moitié du prix de ton billet avant. Ah, moi, j'ai toujours payé 7 euros, mais parce que c'est un mini chien. Non, non, mais. Alors que toi, tu payais 7 euros, mais tu fraudais, apparemment. Non, je te jure, les contrôleurs et tout, ils me disaient c'est le bon truc. Mais parce que mais c'était non, mais un tout genre, petit chien. C'est pas pay what you want, la SNCF. Bah, c'est 7 euros un petit chien dans son contenant. Non, avant, c'était pas ça. Mais avant paye ce que tu veux, il bah, dire, moi je l'ai depuis 2 ans après. Oui, bah c'est peut-être. Ah voilà, être voilà. Ça. Et on va pas s'engueuler. Et regardez, un nouveau terrain d'entente sur lequel on vient de se retrouver. Hyper d'accord en fait. Chers amis, ça fait bientôt 1h30 qu'on parle. Je vous propose de passer aux recommandations culturelles. Des choses que vous avez aimées récemment. Ça peut être de la musique, ça peut être des films, ça peut être du théâtre, ça peut être du stand-up, ça peut être. Franchement, ça peut être tout n'importe quoi. Ouh, j'ai recommandé la terre de Sommières pour les taches de gras sur les vêtements. Tu as recommandé Balatro. Oui, bon alors d'ailleurs. Parce non, que c'est devenu quasiment un mème de se foutre de ma gueule. Ah ouais. Antoine Daniel a fait un live où il l'a écouté, il se foutait de ma gueule. Quoi, j'ai participé Balatro à Jour c'est de Play. On n'en parle plus. J'ai participé à Jour de Play, on m'a humilié. Le jeu était basé sur le fait que je pitchais comme une merde les jeux vidéo apparemment. Donc déjà, je tiens à dire à tout le monde que je vous emmerde. Voilà, c'est ça. Je vous chie dessus. Moi j'ai pas de fiche, voilà, c'est non, on est en freestyle, ah, mais alors toi, évidemment ça sort comme ça vient, c'est un peu décousu, c'est très dur parce que voilà, il faut expliquer tous les principes qui sont acquis pour les gens qui connaissent bien les jeux vidéo, évidemment. C'est compliqué, c'est des moments où on est vulnérable en plus, les recommandations, voilà. C'est pas des moments où c'est vrai, on fait des blagues. C'est vrai. La première fois peut-être de ma vie qu'elle me défend, quoi. Mais pas du tout, j'ai déjà mais du coup il l'a retourné quand même en critique, publiquement, en DM, t'es adorable. Je suis moi, adorable, mais dès qu'il y a un micro, papa, balle réelle. Mais parce que voilà. c'est quoi c'est une défense, c'est quoi ouais, c'est... du harcèlement. Alors, donc déjà, je voulais dire, voilà, je vous emmerde tous, hein, vraiment. Oui, tous. Oui, voilà. Non, mais bien sûr. Tu peux dire vous... tous, peut-être. Oui, cela dit, parce que c'est vraiment. C'est mixte, les gens qui m'ont dit. Dans le fait de dire, Adrien, tu expliques mal Balatro, il n'y a pas de genre, je peux vous le dire. Ah, oui, oui, non, mais voilà. Je continuerai, puis comme pas préparé, je vais même expliquer c'est encore que plus a, mal. C'est maintenant. Quoi, je vais même rebondir. Il y a même des gens, et je les emmerde aussi, parce que tu m'as ouvert la voie. Allez, let's go. Non, mais parce que qui m'en ont voulu de pas te couper. J'étais genre, bah, c'est son podcast aussi, je vraiment, peux peut-être mais, alors, par en, contre, en on peut se donner pas... rendez-vous au but de Chaumont et je vous explose la gueule. Non, mais on m'a dit, mais Flo était dans un tunnel, Adrien était dans un tunnel, c'est ton travail, Flo aussi, d'animer. J'étais genre, alors, mais déjà, mais vous prenez pour qui déjà ils putain, sont mais vous avez cru que j'étais Nagui déjà. Non parce gueules, que Grélie voilà. N'est pas autour de la table. Mais déjà. Toi, tu lis quand même les messages comme ça, quoi. Moi, je lis trop les messages. Pour compenser, j'ai reçu beaucoup de messages qui disaient, non, franchement, c'était pas si mal. Et t'as sûrement fait découvrir la 3D. Beaucoup de gens qui ont dit merci de l'avoir fait découvrir et tout. Donc voilà, c'est juste une petite couche pour dire que vraiment, je vous emmerde vraiment. Je vous emmerde vraiment avec une vigueur folle. Donc ça c'est la première chose. Je vais j'enchaîne sur ma sur ta reco. Ma reco peut-être. Mais courte s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Elle est courte. C'est très simple, j'en ai deux mais je vais faire vite. Non, vas-y. Et parce que c'est deux reco qui montrent un peu toute la complexité de mon être, on peut pas me saisir en fait. Bah, ton perso. Alors la première c'est un jeu vidéo qui s'appelle Summer House. Ça coûte genre 4€ sur Steam. Et c'est vraiment juste le principe, c'est t'as plein de blocs différents, des blocs de toit, des blocs de murs, des blocs d'objets divers et variés. Et le but, c'est juste t'as un paysage, c'est très joli, et tu construis, t'assembles des blocs pour construire des maisons d'été, quoi. Et c'est juste un truc de détente un peu. Il y a pas but autre que c'est vraiment jouer à la maison de poupée, mais pour des adultes qui ont pas les moyens de s'acheter. Il pleut énormément, malheureusement. J'ai un parapluie, après c'est du RER. Qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison de campagne. Ouais. Et c'est très détente. Et puis bah, tu peux débloquer des nouveaux blocs qui font que ça donne des nouveaux éléments à ajouter. C'est très chill, ouais. C'est très cool, très bien. Et à l'opposé du spectre du chill, il y a la Free Fight. Non, il y a la vidéo de Potatoes sur Dr. Dre. Ok, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas chill. Ouais. Voilà, ouais. Pas chill de la star à quoi on rappelle. Bien sûr, bien et, sûr. Non, voilà, Potatoes qui a fait une assez longue vidéo qui pour parler de Dr. Dre. Et bah déjà ça on apprend des choses sur Dr. Dre et comme c'est une vidéo de Potatoes, c'est le montage est fou, il y a 1000 idées par seconde. On a même envie de regarder deux fois, une fois pour les informations, une fois pour juste mater tous les détails et les trucs. Et voilà, il a même fait aussi il y a le replay d'un live très long où il explique un peu le processus de création de la vidéo parce que c'est beaucoup beaucoup beaucoup de travail. Alors trigger warning, il chie sur tous les youtubeurs qui existent en le faisant de façon gratos. Ouais. Ça peut faire rire. En fait, c'est un gars qui a commencé beaucoup dans ça, dans la rage, dans insulter les gens. Et non, mais justement, ce qui est intéressant en plus dans ce replay de live, c'est que justement, il dit, il y a plein de gens qui disaient, il est où le Potatoes d'avant, où il faisait des blagues edgy et tout, et il dit justement, ouais, non, mais les gars. Enfin, moi, je regarde mes vieilles vidéos, ça me fait plus rire et tout. Donc, je trouve ça aussi intéressant. Et c'est la première bel objet. Et c'est la première partie d'une trilogie, apparemment. Voilà. Donc, voilà. C'est mes deux recos. Et Dr. Dre, c'est chambé. Évidemment, n'hésitez pas à écouter du Dr. Dre, c'est vraiment. Et bien. Ses parents, c'est une raie et un requin. Et un requin bambou. C'est quand même un requin bambou. L'enfance qu'il a eu, quoi. Dr. Ray, du coup. Camille. Ah, oui. Moi, j'avais pensé à deux petits trucs à recommander. Je t'en prie. Une chaîne YouTube que peut-être tu connais, Pauline. C'est celle de Maryse Pénal. Oui. Ah oui, j'adore. Je l'avais passé c'était ma reco d'il y a longtemps. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah bon. Donc n'en parle pas. C'est une autrice de BD, illustratrice. Elle est pas belge, mais elle vit à Bruxelles. Bruxelles. Oh là là, je vais me faire assassiner. C'est terminé pour toi. C'est fini, allez. Et elle fait des vidéos où elle documente sa vie, mais du coup de fait son travail. Et là, elle a sorti une vidéo sur comment elle a fabriqué sa dernière BD qui vient de sortir, qui s'appelle, je crois, Il y a longtemps que je t'aime. C'est ça. Qui a l'air super. C'est ma cam à 100%. Ouais. Mais, c'est quoi? C'est plutôt poétique, drôle Oui, poétique et très beau, visuellement. Et, et ouais, ses vlogs, je sais pas, elle est trop forte quoi, en cadrage, et sa voix, elle est trop bien, je la trouve trop belle aussi. Elle est très belle, en vrai, moi je l'ai vue en vrai, j'étais en mode, ouais, t'es trop belle, ça a popé dans mon cerveau. Ouais. Et ouais, je sais pas, je l'adore, j'aime trop la voir vivre quoi, et elle a plein de doutes. Et je t'aime. Si tu nous écoutes. Non, mais elle est pleine de doutes sur ce qu'elle fait et tout. Donc, bah, moi, je m'identifie à Balle. Voilà. Elle je... est très nature. Ouais. Mmh. Elle se la pète pas du tout et non, tout. Ouais. Alors qu'elle est trop douée, quoi. Ses dessins, ils sont magnifiques. Voilà. Et le deuxième truc, c'était un truc en rapport avec le stand-up. C'est un podcast de Montreux. Donc le podcast s'appelle Montreux, je sais pas quoi. Enfin, si tu tapes Montreux, tu trouves. Okay, mais c'est un peu c'est pas Yellow Corner, c'est pas. Non, c'est pas. Et bah, justement, c'est le podcast, mais qui est dans le. Okay. C'est un format sur leur podcast en fait, qui s'appelle Yellow Mike. Mmh. Okay. Et j'adore. Mmh. C'est des humoristes qui expliquent leur van, comment ils l'ont trouvé et comment ils ont travaillé dessus. Moi, en fait, c'est deux recos sur comment les créateurs créent. Voilà. Ouais, ce que je tape Montreux plus, podcast, il y a tout, hein, je crois. Ouais, voilà. D'accord, trop bien. Voilà, j'adore. Super. Ça se passe bien, toi, la scène? Tu as envie de faire un truc comme Montreux ou pas du tout? J'ai eu trop. Je vais tourner dans l'émission du Jamel Comedy Club. Oh, alors génial. Que j'ai commencé le stand-up il y a 2 minutes. Ouais. Plus, il y a la vidéo de McFly et Carlito. Enfin, en fait, c'est trop gros pour moi. Ouais, oui. C'est trop gros pour moi. Il faut que je mûrisse et tout. Bien sûr. Donc. Tu veux pas te brûler les ailes. Ouais, voilà, calmos, quoi. Ouais. En plus, je suis vraiment ultra fatigué de ce que je viens de l'année que je viens de vivre. C'est passé beaucoup de choses. Ouais. Et donc je veux continuer, mais je crois que je vais me calmer un peu, écrire, voilà, parce que beaucoup de stress, quoi. Bah ouais, mais c'est trop bien. Hyper traqueuse et tout, donc j'ai pas envie non plus de me dégoûter du truc comme le running, quoi. Tu vois, ça me semble être un très bon état d'esprit. Oui, voilà. C'est un bon choix. J'ai l'impression. Pauline. Moi, je suis dégoûtée du running déjà. moi aussi, je déteste. Plus me revoir. Non, moi déjà, je voulais dire, j'admire de ouf que Camille, elle monte sur scène et qu'elle fasse du stand-up. Enfin, en général, le stand-up, mais surtout les femmes qui font du stand-up, parce que quand même, on dit tout le temps que les femmes sont pas drôles. Et moi-même, dans le floatcast, je me suis fait chier dessus, pas par beaucoup de gens, mais il y a quand même des gens qui étaient en mode arrêtez de l'inviter, elle est pas drôle. C'est relou. Oui, merci d'avoir pris ma défense d'ailleurs, mais bref. Et donc voilà, c'est quand même chouette de voir ça. Et je suis allée voir il y a pas longtemps, moi j'avais peur d'aller voir du stand-up parce que j'avais peur de pas rire et d'avoir les fesses serrées tout le long et de passer un hyper mauvais moment. Ouais. Mais donc j'ai une copine qui m'a dit viens, on va voir donc Swann Périssé au je sais pas où là, truc des glaces. Et j'y suis vraiment allée en mode je sais pas, je me mettais la pression de passer un bon moment et de rire, et en fait j'ai ri tout le long et j'ai trop kiffé, et je me suis dit bon bah il faut que je me force à aller plus voir du stand-up, donc pour l'instant j'ai vu que ça. Mais t'as vu un spectacle entier de Swann Périssé qui est en ce moment, je crois que ça remplit très bien, je crois, mais bon, n'hésitez pas à aller jeter un... Il y avait la standing ovation à la fin et tout. Donc c'était cool. Et puis qu'est-ce que je peux recommander? Bah, j'ai mon ami Raphaël qui a sorti son nouveau podcast qui s'appelle Clever Girls et qui parle de véganisme, féminisme, mais autour du film et du livre Jurassic Park. Incroyable. Un podcast, je pense, détesté de Jean-Marie Bigard, par exemple. Mais c'est écrit sur la vignette. C'est, voilà. Mais voilà, en vrai, c'est pas du tout niche comme podcast. Genre, n'importe qui s'intéresse pas au véganisme ou bon, au féminisme, faites un effort, par contre. Et aux dinosaures, tu peux quand même apprendre plein de choses et tout. Et sinon, mais j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais j'ai vu le film Marcel the Shell, un film d'animation qui m'a traumatisé de comment c'est trop magnifique. Ouais. Et j'ai pleuré, j'ai trop rigolé aussi, il est trop mignon. C'est drôle. Et moi, je suis un peu triste parce que j'ai appris que la voix, c'était pas un petit enfant, mais une femme. Bah, c'est une meuf, c'est une actrice en comme plus. Souvent, mais je pensais que c'était un petit enfant et je trouvais ça trop mignon. Mais voilà, donc c'est un petit coquillage qui a des chaussures. C'est Jenny Slate qui fait le coquillage, c'est une humoriste. Actrice très connue. Et je suis tellement folle avec ça que j'ai fabriqué des miniatures de Marcel the Shell. C'est un film de youtubeur, hein, mine de rien, les gens le savent pas, mais c'était d'abord des vidéos YouTube. Oui, et d'ailleurs, il y a des vidéos YouTube dans le film. Ouais, mais en vrai, je trouve que c'est un travail incroyable. Ouais. Je comprends pas comment c'est possible. Non, c'est très mignon. Et c'est un vrai film réconfort en plus. Je trouve que c'est un film qui fait du bien. Tu sais, avec un peu doudou, quoi. Tu le regardes, mais vraiment assez profond quand même. Oui, tu c'est vois, ça, parce que c'est très enfantin, mais c'est quand même des trucs d'adultes. Enfin, j'adore, moi j'ai beaucoup aimé. Puis c'est très mélancolique et tout, et vraiment, je sais pas, super bien fait. Et j'ai vu un youtubeur en parler et dire que c'était trop mal fait et tout. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Bah écoute, merci beaucoup, Pauline, pour ce film que tu conseilles. C'est vrai que c'est un super film. Moi, je l'avais mis dans mon top de l'année aussi, parce que j'avais trouvé ça mortel. Et là, Mortel the Shell. Ça a piqué ma curiosité. Mais là, le gars, il fait le live action Disney de Lilo et Stitch. Et je suis partagé parce que c'est toujours chiant de faire les dessins animés en vrai. Et en même live temps. Action. Ouais. Et en même temps, ce mec, j'adore Lilo et Stitch, moi c'est un de mes Disney préférés. Non. Et que ce soit ce mec. Non. Ah, non, j'ai menti. Non, pas du je tout. Je l'ai pas vu. C'est la Belle et la Bête en fait. Non, j'adore Lilo et Stitch. Et que ce soit. Je suis partagé parce que ce mec-là avec sa femme qui est aussi scénariste qui fait le coquillage et tout. Ils sont trop forts, donc je suis trop content qu'ils fassent ça. Et en même temps, c'est un Disney et tout, donc je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais du coup, affaire à suivre, ouais, j'ai envie de dire. Laissons-lui sa chance. Tout à fait. Qui bon, verra, verra. Bien sûr. Bah écoutez, merci beaucoup. On va faire un dernier petit tour de table. Donc Camille, de la scène ouverte, du stand-up, Anne Jamel Comedy Club visiblement en vidéo. Mais un voilà. Burn-out. Un burn-out dans la foulée. Non mais voilà, tu joues sur scène, donc à Paris on peut te voir. Si on te suit sur Insta. Ouais, déjà sur Insta, j'essaye d'annoncer un peu mes dates pour que mes copines arrêtent de me dire « Tu joues quand déjà ?» Et c'est trop chiant comme question. Ouais. Donc j'essaye de toujours... Plus chiant que ce truc qui bip, hein. Non, il y a un petit truc qui bip, vous inquiétez pas. C'est toujours ta montre à la con qui bip, oui, à la j'ai jamais réussi à la changer. C'est incroyable. C'est le chat. Ouais, je suis un malade. Il va exploser. ouais, donc voilà, Instagram, oh, du coup. Et t'as sorti un format sur Instagram que je trouve très cool, une sorte de vlog. Ouais, moi j'ai liké grave. C'est très cool. C'était mon rêve d'être vlogueuse. Voilà. Bah oui, c'est ça. Ah, j'ai oublié de vlogger le... Merde! Non. C'est marrant parce que moi je m'étais dit, je vais essayer de faire un vlog sur la journée à Lyon. Bah j'ai rien fait. Venez, on vlog. On vlog une seconde. En même temps. Allez, attention, on vlog tous un peu en même temps. J'ai pas de platine. Elle a pas son portable. Allez, ça vlog. Je te l'enverrai. Et moi aussi. Non, le vlog. Allez, le vlog. Bon, bah, trop cool. Pauline. Oui. Ta BD. Ma BD. Minuscule folle sauvage. Arrêtez de l'acheter parce qu'il n'y en a plus, en fait. Ça se vend très bien. J'en entends beaucoup parler. C'est trop cool. Ouais. Bah, écoutez, Adrien l'a pas lu. Donc, c'est vrai que je l'ai pas lu, mais je lis rien. Ouais, moi je l'ai pas lu encore. Donc je vais la lire. Je vais la lire. Mais je lis régulièrement sous les paupières à ma fille. Ça, c'est adorable. C'est un énorme fiasco d'ailleurs à l'anniversaire de Laura Felpin. Très drôle. Je lui ai offert deux BD, dont la tienne. Donc tu te calmes. Ah, mais c'est pour ça qu'elle l'a mis en story. Je me demandais quand. Ah bon, c'est pas toi qui l'as envoyé ? C'est pas toi qui. Non. Bah, en tout cas, elle l'avait déjà. Je lui ai offert deux BD, elle les avait déjà, je les comprends, deux, dont la tienne. Bon, ça veut dire que tu la connais bien. Ça veut dire que je fais d'excellents cadeaux. Mais alors, plus je me demandais comment mais... elle l'avait eu, mais ça m'a elle fait plaisir. Peut-être acheté. Que... Hein, qui sait ? Non, bon, après, c'est trop bizarre. T'imagines, elle est riche, normalement, on lui offre. Après, il y avait un autre cadeau quand même, donc c'était pas un total fiasco. Non, j'ai pas fait la gueule quand il y avait le gâteau, d'accord ? D'accord, j'ai chanté, d'accord. Non, mais donc ma promo, excusez. Non, j'ai rien à dire, j'ai encore des dédicaces à Lyon, à Lille, deux à Paris et peut-être à Marseille, à Bordeaux tout aussi. Sur mais Insta, j'ai pas de toute tout façon. Est allez, allez sur Insta, bah ouais, globalement. En général, hein, c'est carré, elle est organisée cette meuf. Moi, je suis Maria Carré et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont acheté ma BD parce que je pensais pas. J'étais venue ici la dernière fois, j'ai dit je vais signer le contrat avec mon éditrice et depuis c'est sorti et c'est le truc que j'ai fait qui a le mieux marché. Génial. Grâce à vous, les gars. Non, c'est faux, j'ai menti. Vraiment. J'ai menti. Non, vraiment. Là, par contre, ça va encore plus. Là, attention, ça va dans les étoiles. Ouais, ouais, on l'a réimprimé, donc c'est parfait. Allez, bravo. Moi, je l'ai adoré, la BD. Merci, trop vu. Bien. Putain, le soutien qui est autour de cette table. Nous deux merdes, on n'a rien lu. Il y a vraiment alors moi, je n'ai rien lu du tout, même de toutes les BD que j'achète depuis 5 ans. J'en ai lu aucune. Donc, je crois que la dernière fois, tu avais dit que tu avais la BD de Léopold et que tu l'avais genre donnée. Je l'ai donnée, ouais, je l'ai donnée. Mais il le sait, il le sait. Après, si tu donnes ma BD... Ça décharge. Oh là, bon, c'est vous la vraie direz différence. Ça de la mienne dans 5 non, épisodes. Non, mais si tu veux la jeter, donne-la à une femme. Non. Au pif. En général, ça plaît aux femmes. Je suis sûr que je vais adorer, c'est complètement ma cam. Bon, on verra. J'en suis persuadé. Et la musique, tu comptes t'y remettre là bientôt? Ouais, je suis en train de faire un album, un troisième album, et je suis à la moitié à peu près. Mortel. Bon. Adrien, toujours la bonne auberge. La bonne auberge, un dimanche sur deux. Absolument, un dimanche sur deux. Là, j'étais là. Des six, là, comme ça. Ouais. Et j'étais invité de jour de play aussi sur Arte. C'était cool. C'était cool. Bah, à part quand ils m'ont humilié sur le fait que je suis. Et je répète que je suis disponible pour vraiment poignarder des gens s'ils veulent vraiment encore m'humilier là-dessus. Et c'est le replay sur YouTube, apparemment. Trop bien. Donc, et ce qui est nouveau, apparemment. Donc, ça, c'est cool. Non, c'était une très chouette émission. C'était dans le chat aussi de Marie de Breuer, j'ai vu. Ouais, voilà. Il y a un moment. Mais qui est sorti, on n'en avait pas parlé depuis. Elle était venue, mais l'épisode n'était pas sorti, donc voilà. Et sinon, c'est tout. Voilà. Et nous les lancerons, évidemment. Mais voilà, oui. Ça y est, j'ai reçu mon premier message, genre oui, bon bah c'est bon, on a compris. Genre, bah oui, mais les gars. Mais pareil, encore une fois, à vos gueules. Non, mais voilà. Oh là, les gens. Mais non, mais c'est très petit. La plupart des gens sont ravis, et d'ailleurs, c'est génial parce que. Là, on fait les avant-premières et voilà, il y a évidemment énormément d'auditeurs du Floodcast et c'est un bonheur parce que c'est toujours très gentil. C'est très gentrifié. C'est très gentil, c'est toujours adorable et c'est très rempli partout. Donc vraiment, merci beaucoup. Et on va continuer à faire les avant-premières. Là, c'est pour ça que voilà, là, on part à Lyon avec Adrien. Là, on coupe, on fait les valises. Allez, je peux caler juste une reco express, l'application Rain Today.